un mot d'introduction et pour vous souhaiter la bienvenue à toutes et tous pour cette troisième séance de notre séminaire Nouvelle métamorphose de la protection sociale, donc coordonnée par Maud Barré-Bertoloni, Camille Collin, que nous avons la chance d'avoir à nouveau en présentiel avec nous, Léo Rossel et moi-même, et qui porte sur le projet politique donc, de la sécurité sociale et plus largement de la protection sociale en France. Donc pour ce séminaire hein, qui a 10 ans, vous en doutez tous, à l'occasion du 80e anniversaire de la sécurité sociale, nous sommes partis du constat d'une transformation du projet politique lié aux institutions de protection sociale, à la fois du point de vue de la gestion, des principes et des effets, qui interroge la continuité apparente de l'institution sociale qu'est la sécurité sociale de 1945 à aujourd'hui. Donc cette transformation du projet politique, nous choisissons de la pluraliser, évidemment, c'est ça l'ambition du séminaire. Donc pour parler de l'évolution de la sécurité sociale, nous avons choisi de regarder les métamorphoses à l'égard de la philosophie même, de la solidarité et de la protection sociale, issue du projet de 1945, et nous nous sommes interrogés sur l'ambivalence de la protection sociale à l'égard de ses assurés. Ça, c'était les deux premières séances qu'on a eues tous ensemble. Lors des prochaines séances, et on en parlait tous ensemble juste avant de débuter, il s'agira d'analyser l'économie mixte de la protection et l'évolution de la place du marché dans le déplacement de la responsabilité collective de la protection. Et nous nous interrogerons également sur la prise en compte des questions de genre et plus généralement sur la place de la protection sociale dans la reproduction de mécanismes de domination. Donc d'un point de vue méthodologique et pour adresser ce problème des métamorphoses hein, de la question sociale, il s'agit de reprendre donc, le fil des réflexions de philosophie politique dont les analyses s'arrêtent dans les années 90-2000 pour en esquisser une actualisation, et le faire en s'appuyant sur la richesse des travaux en sciences sociales au sujet des évolutions récentes dans le domaine. Il y a eu énormément de recherches empiriques ces 30 dernières années sur les transformations de la protection sociale, et donc notre démarche, elle est la même, reprendre cette philosophie empirique. C'est pas, notre ambition n'est pas de faire de l'interdisciplinarité pour de l'interdisciplinarité, mais plutôt... Et l'idée, c'est d'informer le raisonnement au sujet de la substance éthique des institutions de protection sociale à partir de la richesse de travaux empiriques produits jusqu'à présent. Je vais quand même faire un petit résumé des deux premières séances que nous avons eues tous ensemble très rapidement pour bien inscrire celle-ci dans la continuité, enfin dans un projet intellectuel global. Lors de la première séance, nous avons reçu donc Colette Beck et Sacha Lévy-Brulle pour discuter des contours du projet de 1945 et de ses évolutions, des notions de solidarité et de démocratie sociale qui ont présidé à l'instauration de la sécurité sociale, ainsi que des ruptures dans les principes que constituent les politiques d'activation autour des années 80-90 et l'introduction de la conditionnalité des droits. Lors de la deuxième séance, donc consacrée à la dématérialisation et à la réforme du RSA, nous avons reçu les sociologues Clara Deville et Maud Simonet pour aborder les évolutions de ces 30 dernières années au niveau du fonctionnement des caisses et des guichets, des choses qui nous parleront encore aujourd'hui, en interrogeant les effets de ces transformations de la protection sociale à l'égard des assurés et des transformations du rapport entre assurés et les institutions de la protection sociale. Et pour ces deux séances, on a le plaisir de vous renvoyer à l'enregistrement audio auquel vous pouvez avoir accès. Voilà. Alors bonsoir à toutes et à tous, merci Claire, merci aussi à nos deux intervenants d'avoir accepté notre invitation pour parler ce soir donc de cette séance plus particulière sur l'État dans la gestion de la sécurité sociale. On va en venir un peu plus à la présentation donc de cette séance maintenant. Et en effet, lors de la préparation du programme, on a pensé qu'il était important de s'arrêter aussi sur cette question-là, cette question éminemment politique de la gouvernance de la sécurité sociale, dans la mesure où aussi l'étatisation de la sécurité sociale apparaît comme l'une des grandes dynamiques qui ont présidé à ces évolutions dans les dernières décennies. C'est une thématique d'autant plus d'actualité dans cette période marquée par la discussion du PLFSS, du projet de loi de financement de la sécurité sociale, un an après le renversement du gouvernement Barnier sur cette même question. Donc on voit bien que c'est une question politique, et du point de vue historique, on peut commencer par rappeler que les ordonnances de 1945 prévoyaient une gestion de l'institution par les intéressés eux-mêmes, par le biais notamment de leurs représentants syndicaux, donc dans une logique de démocratie sociale, Et alors, le temps nous manque pour citer tous les discours prononcés, tous les textes écrits sur ce sujet dans le fameux moment de 1945. Mais rappelons tout de même le propos de Pierre Larocque dans son discours programmatique du 23 mars 1945, lorsqu'il déclare, je cite, « Aucune organisation de la sécurité sociale n'est viable si elle ne répond pas aux traditions nationales, si elle ne répond pas aux conditions psychologiques et économiques du pays. Or, la tradition française dans le domaine de la sécurité sociale n'est pas une tradition d'étatisme bureaucratique, c'est une tradition d'entraide volontaire, c'est la tradition d'un effort désintéressé et généreux d'assistance mutuelle, c'est la tradition de la mutualité, c'est la tradition du syndicalisme, c'est la tradition du vieux socialisme français, du socialisme de Fourier, de Louis Blanc, de Proudhon. C'est cette tradition qui a son nom inscrit dans notre devise nationale, c'est la tradition de la fraternité. » Citation un peu longue, mais qui, je pense, permet en même temps d'inscrire cette réflexion que l'on va avoir aujourd'hui sur l'État et sur la démocratie sociale dans un temps plus long. Donc en rappelant aussi que, à travers l'histoire de France, cette prise en charge par la puissance publique des risques sociaux n'est pas allée de soi. On n'a pas le temps, évidemment, de faire tous les rappels historiques qui s'imposeraient, voilà, en tout cas de rappeler que cette création progressive de l'État social à partir de la fin du XIXe siècle est allée aussi en parallèle avec des revendications notamment issues du mouvement ouvrier qui était divisé sur cette question, sur l'attitude à adopter et méfiant aussi vis-à-vis de l'étatisme. On en revient à 1945 et donc moment où un rôle central est donc reconnu aux syndicats dans la démocratie économique et sociale et en particulier au sein de la sécurité sociale puisque les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale sont composés à 75% de représentants des intéressés et à 25% de représentants du patronat. À ce moment-là, donc, le principal allié de l'administration, la CGT, détient un quasi-monopole dans la mise en place de la sécurité sociale sur le terrain, à l'échelle des organismes de sécurité sociale, et notamment grâce à l'action d'un ministre du Travail et de la Sécurité sociale issu de ses rangs, en la personne d'Ambroise Croizat. Et comme ce dernier le rappelle à l'Assemblée le 8 août 1946, le financement par la cotisation devait d'ailleurs permettre une autonomie financière de la sécurité sociale par rapport aux arbitrages budgétaires de l'État, et tandis que qu'il justifiait en même temps la gestion par les intéressés eux-mêmes. Pour autant, il faut aussi le rappeler, lors de la première séance de notre séminaire, Colette Beck a tenu à relativiser aussi cette lecture peut-être un peu trop enthousiaste d'un pouvoir ouvrier tout puissant dès 1945 sur la sécurité sociale. Et il faut déjà rappeler que la sécurité sociale reste sous la tutelle du ministère et également que l'État conserve un pouvoir très important, notamment sur le plan normatif, puisque c'est lui qui fixe le taux de cotisation, qui fixe le niveau des prestations et qui exerce aussi un contrôle important sur l'activité des caisses. Par la suite, et je serai moins long là-dessus, puisque on va très vite l'entendre, les réformes de 1967 jusqu'à celles donc, des années 1990 ont progressivement associé l'État à la gestion et aussi au financement du régime général de la sécurité sociale, ce qui nous amène donc à des questions importantes sur les répercussions de ces réformes sur les politiques en matière de protection sociale, ou encore concernant les relations de l'institution aux intéressés eux-mêmes, et puis même, enfin, au-delà de ça, aux acteurs de l'institution en tant que tels. C'est donc tout l'intérêt de la séance d'aujourd'hui, d'opérer ce déplacement tout en gardant un jeu d'échelle aussi, pour voir comment s'incarnent et se déclinent précisément ces évolutions dans la gestion de la sécurité sociale. Et donc pour ce faire, on a la chance, et on remercie nos deux intervenants de ce soir, Christophe Capuano et Bruno Palier. Donc Christophe Capuano, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Grenoble-Alpes. Vos travaux portent en particulier sur les politiques liées à la vieillesse, à la prise en charge de la vieillesse et sur le bien vieillir. Du point de vue des territoires aussi, d'ailleurs c'est ce que vous allez nous montrer ce soir, c'est une approche un peu plus territoriale, on va dire, de ces questions. Vous avez notamment publié « Que faire de nos vieux ? Une histoire de la protection sociale » 1880 à nos jours, qui retrace le parcours de cette question de la prise en charge de l'autonomie, notamment, et de la dépendance de la vieillesse. Et puis Bruno Palier, merci beaucoup également d'être là, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous avez dirigé le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po, le LIEP, Vous avez travaillé et écrit des ouvrages de référence, dont celui-ci que je vois, Gouverner la sécurité sociale, donc sur les réformes des systèmes de protection sociale. Et vous avez récemment, et d'ailleurs dans une perspective comparée, et je pense aussi que vous allez revenir sur ça aujourd'hui, et vous avez également récemment publié avec Christine Herel Travailler mieux aux presses universitaires de France. Donc on va commencer peut-être avec Christophe Capuano, si vous le voulez bien, sur une approche territorialisée de cette question de la gouvernance par l'État de la sécurité sociale. Merci, merci pour cette invitation, merci pour votre présence. Donc cette intervention se nourrit à la fois d'une histoire par le bas, d'une histoire au ras du sol à partir d'enquêtes orales menées avec le comité d'histoire de la Bourgogne et de la Franche-Comté de 2000 à 2019, où nous avons abordé beaucoup de questions sur le fonctionnement des organismes de sécurité sociale et des transformations des organismes de sécurité sociale. Également une entrée par la question des street level bureaucrates que j'ai appliqué à ces agents de la protection sociale à l'échelon territorial comme des rouages cardinaux pour leur bureaucratie et montrer toute l'importance de ces acteurs dans les pratiques opérationnelles et dans les pratiques professionnelles. Donc, ces matériaux, ces approches, hein, je les ai mobilisés pour l'intervention du jour sur le rôle de l'État dans la gestion de la sécurité sociale, avec la question du rôle que l'État accorde au déséquilibre de la sécurité sociale et au coût de fonctionnement des organismes de la sécurité sociale. Et aux conséquences que cela a très concrètement sur les modalités de fonctionnement des organismes et sur les modalités de travail au sein des caisses, avec des exigences de baisse de coûts de production, de productivité, des conséquences aussi en termes de gouvernance à l'échelon local, notamment entre les conseils d'administration et les directeurs, des conséquences aussi dans les rapports entre les caisses et leurs assurés ou leurs prestataires. Alors je propose d'étudier les différents moments, les différents tournants, avec le tournant de 1960, le tournant de 1967 et de la fin des années 1960, le tournant de 1979 et enfin le tournant du milieu des années 1990 à l'échelon local. Alors tout d'abord, le tournant des années 1960. À la fin des années 1950, le gouvernement s'alarme du déficit de l'assurance maladie et de certains problèmes de gestion des organismes territoriaux de sécurité sociale. Alors, tout d'abord, sur le fonctionnement des caisses. Les caisses, pour fonctionner, ont besoin, dans ce contexte que vous connaissez, de montée en charge, de couverture grandissante du nombre d'assurés, d'un nombre très important de personnel pour gérer les dossiers, qui sont des dossiers papier, pour gérer les cotisations, gérer les prestations, avec une montée en charge du nombre de prestataires exponentielle. Donc on embauche beaucoup pour faire fonctionner ces organismes. Mais dès la fin des années 1950, apparaissent les premières critiques relatives au personnel. Dans le journal L'Économie du 2 mai 1957, on dénonce par exemple les frais de gestion croissants des assurances sociales, et des caisses régionales vieillesse, ainsi que des organismes d'allocation familiale. On note, par exemple, entre 1955 et 1957, pour les caisses d'assurance maladie, une hausse des frais de gestion de 13,9%, et entre 1955 et 1957, et de 12,2% pour les caisses d'allocation familiale. Or, le journal pointe le fait que 85% des frais de fonctionnement des caisses sont surtout dus à des frais de personnel. En réponse, le ministre du Travail, Paul Bacon, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Paul Bacon, évoque pour la première fois la nécessité de faire des réformes de structure et de résoudre certains problèmes de gestion des organismes. Au cours des années 1960, il y a donc une généralisation pour, dans un premier effort de productivité, premier effort de mécanisation dans les organismes qui modifie l'organisation du travail, les métiers de la protection sociale, comme l'emploi de sténodactylos à très large échelle, qui contribue au renforcement aussi de la féminisation des emplois des caisses de sécurité sociale. C'était apparu durant les années 1930, mais là, on passe à une autre échelle dans les années 1960. Également pour la mécanographie, hein, qui se répand dans les organismes, avec des conséquences de cette mécanisation, c'est une pénibilité aussi de certains travaux mécaniques, en particulier chez les mécanographes, qui voient les exigences de rentabilité augmenter avec des tâches répétitives, hein, des tâches qui entraînent une véritable prolétarisation des employés concernés, avec des tâches qui sont également peu valorisées. Également, une volonté de réduire les déséquilibres des régimes de sécurité sociale, qui apparaît dès 1960, avec le décret de mai 1960, sur lequel je vais revenir. Dès le début, Léo l'a dit, l'État fixe les règles du jeu, il fixe la nature et le montant des prestations. Il a déjà un grand pouvoir sur la sécurité sociale, mais il semble donner un certain rôle aux partenaires sociaux, même si c'est une démocratie sociale en trompe-l'œil. Les conseils d'administration et les présidents de CA ont un rôle en matière d'action sociale, ont un rôle pour les politiques territoriales, pour la négociation des conventions départementales, mais également pour la gestion en termes de personnel, puisqu'ils peuvent court-circuiter le directeur pour la gestion de ce personnel. On peut aussi être salarié d'une caisse et membre du CA. Ces conseils d'administration, comme vous l'avez rappelé, Léo, sont formés pour les deux tiers par des représentants des salariés, pour un tiers de représentants patronaux. Et donc, on assiste à une modification des règles du jeu par l'État dès le décret du 12 mai 1960. Une modification qui se traduit tout d'abord dans le cadre des pouvoirs conférés par une ordonnance du 30 décembre 1958 qui habilite le gouvernement à prendre les mesures propres à, entre guillemets, assainir la situation, tant du régime général que du régime agricole et des régimes spéciaux de sécurité sociale. Donc le gouvernement ne fait plus confiance au CA pour réduire le déficit de sécurité sociale et améliorer la productivité des caisses. En 1959, il y a même un projet d'étatisation par Michel Debré, un projet de transformation de la sécurité sociale en service de l'État, en raison de la masse financière en jeu, qui, selon le gouvernement, ne peut plus échapper à l'État. Alors le projet est abandonné, mais en 1960, le décret modifie le rapport de force CA directeur au sein des organismes. Alors, ce décret du 12 mai 1960 est très intéressant. Alors, il rend il va jouer un rôle tout à fait sur la perte d'attribution des conseils d'administration face au directeur, directeur qui va porter la responsabilité de l'efficacité de sa caisse et de son personnel. On va confier au directeur de caisse le pouvoir réel. Il a désormais seule autorité sur le personnel. Et il y a désormais une incompatibilité du rôle d'administrateur et de salarié. On ne peut plus être administrateur de la caisse où l'on est salarié. Alors, également, en mai 1960, on rend obligatoire, c'est un peu annexe par rapport à ce que je raconte, mais on rend obligatoire aussi la création d'unions de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale. Et cette date de 1960 peut être considérée comme la naissance officielle des URSSAF pour dégager les organismes locaux des questions de recouvrement. Alors dans les années 1960, avec cette nouvelle mesure, le directeur a encore davantage un rôle dans l'incarnation de l'autorité et a vraiment pour mission de diffuser une forme de culture d'entreprise à ses salariés, les spécificités de l'institution, les spécificités de son fonctionnement, ses normes, ses valeurs. Et donc, il tente de créer un sentiment d'attachement à sa caisse et à sa branche. C'est ce que j'ai pu voir ressortir, notamment d'archives consultées dans une CEPAM. Les agents doivent intérioriser, assimiler cette culture, ces règles, s'ils veulent poursuivre leur carrière au sein de la sécurité sociale. Un des objectifs principaux est de discipliner le personnel au fonctionnement bureaucratique. Le directeur de la caisse se sent extrêmement responsable de cette dimension et également responsable de la réputation de l'institution auprès des assurés. Et on le voit très bien dans les notes de service. Au cours des années 1960, il y a également une technicisation des tâches et l'État également institue, avec le décret du 12 mai, le Centre d'études supérieures de sécurité sociale, le CE3S, hein, qui est dirigé par un conseiller d'État et qui permet de former le personnel d'encadrement et de direction des caisses. Hein, donc on a, dès 1960, l'ancêtre de l'EN3S. Et donc une des caractéristiques de la sécurité sociale va être de valoriser la formation interne payée par les caisses, par les organismes, de son personnel pour une régulière promotion, au sein de l'institution. Et les conditions de cette promotion sont explicitées dans la convention collective interbranche de 1957, où est précisé pour chaque emploi le niveau d'études et de compétences requis. On voit arriver une génération de directeurs entrer, j'appelais par la petite porte, comme eux l'appellent aussi, des gens qui entrent comme garçons de course, comme employés au service archives, dans les années 1950, et qui connaissent bien la production, qui connaissent bien les rouages de l'institution, et qui vont montrer leur aptitude progressivement aux fonctions de direction, et qui vont, à un moment, passer par le CE3S pour devenir des agents de direction qui passent d'une branche à l'autre de la sécurité sociale et à l'échelon territorial, poussés par leur caisse, par leur directeur. Et on va voir une génération de directeurs très pragmatiques qui maîtrisent les mécanismes concrets, capables d'analyser les forces et les faiblesses de différents postes. Des directeurs formés, c'est des directeurs qui ont formé durant les années 1960, durant les années 1970, qui constituent une génération de directeurs stratèges. Par la suite, dans les années 1980, on va assister à une autre génération, plutôt des directeurs managers, qui remplacent les directeurs stratèges. Parallèlement, le rôle des administrateurs se réduit, ce qui est confirmé par les ordonnances Jeannonnet de 1967. Donc c'est un autre tournant, le tournant de 1967. Alors, évidemment, il y a une crise financière, notamment en termes d'assurance maladie, dont les comptes sont déficitaires, qui amène à ces ordonnances du 20 août 1967. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se joue à l'échelon local, hein, dans le cadre de cette intervention. En 1967, c'est la composition des conseils d'administration qui est modifiée, hein, puisque les répartitions sont modifiées, puisque les postes sont désormais répartis de manière égale entre les représentants des salariés et les représentants patronaux. Répartition égale qui ne signifie pas une répartition équitable, hein, puisque la division des représentants salariés, ces divisions syndicales les affaiblit face aux représentants patronaux. Et les administrateurs, ce qui apparaît également dans les témoignages, deviennent davantage des conseillers. En CEPAM, par exemple, le rôle se restreint. En CAF, le rôle des administrateurs se maintient pour le choix de l'action sociale à l'échelon territorial. C'est le conseil d'administration qui vote le schéma directeur de la caisse dans le cadre des orientations nationales sur proposition des techniciens. Mais comme le dit un des témoins directeurs de CAF, il dit, alors vous connaissez le principe, c'est souvent les agents de direction, les techniciens qui amènent souvent le plat tout préparé que doivent voter les administrateurs. Hein, donc on est dans une dynamique, hein, de réduction jusqu'à la fin du XXe siècle du rôle des administrateurs dans les organismes. Également, la question du rendement dans ces organismes devient de plus en plus importante à partir de 1967. Ça concerne les différents services de caisse. C'est le cas, par exemple, dans la caisse vieillesse de Dijon, où chaque agent du service archive doit, à la fin de la journée, remplir une fiche pour indiquer le nombre de dossiers classés, le nombre de pièces ou de dossiers sortis, de recherches effectuées. Donc, on est dans une logique où il faut rendre compte de la rationalisation progressive du travail, y compris dans cette gestion des fiches. À la fin des années 1970, a lieu un nouveau tournant, toute fin des années 1970, lorsque la situation financière de la sécurité sociale se détériore encore, les dépenses croissent plus vite que les recettes. 20% en 1978-1979 pour les dépenses, contre 16 à 17% pour les recettes en 1978-1979, ce qui crée un déséquilibre financier conséquent. Et pour y remédier, Jacques Barrot, qui est ministre de la Santé, présente le 25 juillet 1979 un important plan de redressement de la sécurité sociale destiné à éponger un déficit de 23 milliards de francs pour les années 1978 à 1980. Cela se conjugue aussi avec une volonté de réaliser de nouvelles économies de gestion, d'importantes économies de gestion au sein même de l'institution et d'améliorer drastiquement le rendement des organismes de sécurité sociale. Dans cette perspective, Jean Farge, le secrétaire d'État à la sécurité sociale, de 1979 à 1981, édicte plusieurs circulaires qui entraîne la mise en place de bureaux d'organisation et de méthodes, ce qu'on va appeler les BOM, chargés de penser la rationalisation, de fixer des objectifs et de constituer des fiches de poste, hein, comme on peut en trouver dans les entreprises, avec des objectifs de productivité. Le choix des caisses s'inscrit donc dans cette logique de moderniser leur bureaucratie. Ça s'inscrit dans ce contexte, marqué également par la diffusion dans plusieurs secteurs de l'administration, du management public, hein, pour rationaliser les méthodes de gestion publique et de réduire les coûts de fonctionnement. Alors, on assiste... on n'a pas... Dans les organismes, on n'a pas attendu Farge. Il y a des gains de productivité qui sont constants au sein des organismes de sécurité sociale à l'échelon territorial, grâce aux efforts de rationalisation, grâce aux efforts de modernisation, hein, ce qui permet à la fin des années 1970 de faire face aux hausses annuelles de production sans augmentation correspondante des effectifs. Ces gains restent néanmoins limités en raison de la lourdeur des machines, de l'informatique également, de la lente diffusion de cette informatique au sein des caisses, et aussi une irrégulière diffusion de ces organismes, voire au sein d'un même service. C'est très... parfois, plusieurs agents doivent se partager un même poste. Et cette difficile informatisation des caisses est sous le feu des critiques, hein, au cours de la décennie 70, pour son incapacité à faire le niveau d'économie escompté, tant sur le plan des coûts de gestion des organismes que sur la limitation des hausses des coûts de l'assurance maladie. Et un déficit de la sécurité sociale réapparaît dès 1981 et l'équilibre financier n'arrive plus à être assuré. Ce que l'on voit, c'est que durant cette période, une part des efforts repose sur le personnel qui doit, durant cette période, compenser cette productivité contrainte par des conditions de travail pénibles, par des efforts de rendement, par une adaptation régulière aux nouvelles techniques, avec une logique d'adaptation au nouveau matériel informatique de l'époque, c'est notamment le Iris 50, et il faut sans cesse s'adapter à ce nouveau matériau. Quatrième point, le tournant des années 1990 et donc le New Public Management et la mise à distance des allocataires et des prestataires. Donc, autre effort de l'État dans la gestion de la sécurité sociale, la place à donner aux prestataires, aux allocataires. Donc, c'est la question des relations avec le public. La question des relations avec le public, qui est une question qui est assez centrale, hein, dans les inquiétudes aussi de l'État. La question des relations publiques dans la sécurité sociale fait l'objet d'un rapport qui s'intitule « Relations publiques dans la sécurité sociale », rapport de l'Inspection générale des affaires sociales de 1963, où on s'interroge sur les manières d'améliorer ces rapports. Il y a aussi une hantise qu'il y ait une déshumanisation de ces rapports. Ce que Pierre Larocque va appeler le syndrome du bureau de poste, c'est-à-dire qu'une distance entre les prestataires, les allocataires et l'institution sécurité sociale. Donc, Cette hantise, elle est très ressentie à l'échelon local. Par exemple, dans les CAF, on met en place tout un système de paiement à domicile hein, qui se diffuse très largement au cours des années 1950-1960. Hein, près d'un tiers des caisses, entre 45 et 60, choisissent ce système de paiement à domicile pour leurs allocataires salariés avec des agents payeurs. C'est aussi pour signifier que les prestations n'appartiennent pas seulement au chef de famille, mais aussi à l'ensemble du ménage. Se créent également durant cette période des centres locaux. Certaines caisses donc, souhaitent aider les usagers à se renseigner sur leurs droits, à les accompagner dans leur démarche, notamment dans les organismes d'assurance vieillesse hein, qui gèrent plusieurs départements, par exemple en Lorraine, et créent des centres locaux. Ailleurs, on privilégie des permanenciers, donc des gens qui se déplacent dans les territoires avec leur sacoche et qui suivent chaque semaine un itinéraire pour assurer des permanences, deux par jour, dans l'ensemble de leur territoire. Alors moi, j'avais pu voir comment ça se passait en Bourgogne, en Franche-Comté. Hein, c'était deux agents, puis quatre agents qui couvrent huit départements et qui se déplacent toutes les semaines, de point en point. Et les gens, il y a publicité pour qu'ils les rencontrent dans leur territoire. Également, on va voir la multiplication dans les années 1980 des centres d'accueil, qui sont des points permanents d'information, qui sont les nouvelles formes de rencontres avec le public à partir des années 1980. Et dans les caisses vieillesse, on va beaucoup insister sur les centres, ces points permanents. Ça correspond aussi à la disparition d'un compte d'assurés éclatés et la modernisation des outils qui rendent possible la mise en place d'antennes dotées de personnel fixe dans des locaux mis à disposition par les caisses primaires. Donc ça accompagne également le développement des outils de communication, de numérisation, hein, tout le travail des microfiches, tout le travail de numérisation hein, qui rend aisé l'accès à un fichier dématérialisé de bénéficiaires et qui permet aussi une diversification des lieux d'accueil des CAF. Donc on trouve une politique de décentralisation dans les années 1980. Ça peut prendre aussi place dans les mairies, dans des centres sociaux, dans les agences locales. L'idée, c'est d'offrir un service de proximité tout en décongestionnant l'accueil du siège, selon les témoins. Mais au tournant des années 1990, les impératifs de l'État en termes de gain de productivité, en termes de baisse de coûts de production, s'imposent de nouveau, surtout après le plan Juppé de 1995. Et l'accueil des allocataires, les services que cela implique, c'est-à-dire que l'explicitation des droits, la prise en compte des changements de situation de famille, tout cela, c'est désormais perçu comme un frein au gain de productivité et une source d'augmentation des coûts de production. Donc, au nom de la réduction des coûts, au nom de l'accélération de la liquidation des droits, la priorité est alors donnée au entre guillemets, secteur de production, au siège des organismes, par exemple au siège des caisses vieillesse, hein, comme la CARSAT de Bourgogne, avec une réduction des effectifs, une réduction du fonctionnement des centres d'accueil. On va appeler cette transition transfert de compétences. Et les centres d'accueil voient leur nombre se limiter durant les années 1990 et surtout les années 2000, des centres d'accueil qui ne vont ouvrir qu'une demi-journée par semaine pour accueillir le public. Les assurés sont désormais invités de plus en plus à se tourner vers des plateformes téléphoniques et puis, au cours des années 2000, vers des sites internet plutôt qu'à rencontrer physiquement les agents de la caisse. Dans les CAF, c'est le cas, donc c'est la disparition du portage des prestations à domicile par les agents payeurs. Et puis, cette modification de la relation avec le prestataire dans les CAF est liée également à le coût du circuit des agents payeurs. Hein, les agents payeurs vont disparaître. C'est dénoncé notamment par le ministre du Budget à partir de 1973 par la Cour des comptes. Donc l'État qui dit « ça coûte trop cher, donc vous arrêtez ces déplacements ». Et donc le système est condamné à disparaître. Et Malgré les discours officiels, ce processus de disparition des contacts humains s'accélère encore au cours des années 1990 avec l'informatisation. Donc, le développement également des nouveaux outils de communication, la progressive primauté d'une approche gestionnaire du fonctionnement des organismes dans un contexte de New Public Management qui vise à améliorer le rapport coût-service va réduire ces possibilités de rencontre avec les prestataires. Donc ça se traduit par une mise à distance de l'assuré, une mise à distance du prestataire avec une réduction des lieux et des temps de rencontre en face à face. Ou bien des rendez-vous plus sélectifs dans le cadre d'un processus d'individualisation des droits. Donc il s'agit d'assurer sa mission à moindre coût, ça devient des nouveaux objectifs prioritaires assignés aux caisses, quitte à se réaliser au détriment de la qualité du service rendu à l'usager et de la conception universelle des droits sociaux. Je terminerai en disant également que l'État a joué aussi un rôle dans le renforcement du contrôle des bénéficiaires, qui a pris une nouvelle importance après 1995, sous l'impulsion de l'État et après le plan Juppé. Dans la seconde moitié des années 1990, les réformes Juppé transforment, comme vous le savez, la gouvernance de la sécurité sociale. Le gouvernement a pris alors un rôle beaucoup plus important dans la gestion des organismes de protection sociale, comme on le sait. Au même moment, on voit apparaître des objectifs en matière de contrôle des bénéficiaires dans les conventions d'objectifs et de gestion. Donc le contrôle des bénéficiaires apparaît très clairement dans les conventions d'objectifs et de gestion signées entre l'État et les caisses de sécurité sociale. Donc c'est aussi à partir des réformes Juppé que sont mis en place les projets de loi de finances de la sécurité sociale, votés par le Parlement tous les ans, ce qui va être l'occasion d'inscrire la question du contrôle des allocataires sociaux dans les débats parlementaires et dans la structure même de la loi de finances de la sécurité sociale. On voit apparaître un chapitre « Contrôle et lutte contre la fraude », et ça concerne par exemple les bénéficiaires du RMI, créé, comme vous le savez, en 1988, sur lesquels on va mettre l'accent, et des contrôles qui ont bien été étudiés par Vincent Dubois de 1999 à nos jours. Donc, voilà, mon intervention avait pour objectif de montrer comment l'État jouait à l'échelon, comment les directives de l'État à l'échelon national de réduction des déséquilibres et de réduction des frais de gestion pouvaient avoir un impact non seulement sur le travail au sein des organismes, mais aussi dans la relation avec les assurés. Je vous remercie. Merci beaucoup Christophe pour cet exposé très riche, en effet, sur, on va dire, l'échelon territorial, donc comment en effet ces directives nationales s'incarnent et se traduisent à l'échelle territoriale, que ce soit du point de vue des agents, des organismes de sécurité sociale et aussi des intéressés, donc ça c'était particulièrement intéressant. Et on en vient donc maintenant avec Bruno Palier à une perspective un peu plus macro sans doute, en tout cas à l'échelon national et pourquoi pas aussi sans doute de façon un peu comparée. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi de m'avoir donné l'opportunité de replonger dans des travaux un peu vieux maintenant. Et que je voudrais à la fois rappeler, mais peut-être un peu actualiser pour essayer de voir sur quoi tout ça a débouché. En fait, moi, je regardais là un peu les choses sur le plan Juppé. Il y a le CRAPS, là, qui est un think tank actuel, là, qui dit tout ça pour ça. Et en fait, moi, je ne dis pas tout ça pour ça. Je dis pour une métamorphose profonde du système de protection sociale qui, en fait, nous approche du plan Banque mondiale. Donc voilà, c'est ma thèse. Et je vais essayer d'expliquer comment ça s'est mis en place. Je vais prendre le relais. Enfin, je vais beaucoup parler des années 90, parce que c'est vraiment le grand tournant de l'étatisation de la gouvernance de la protection sociale. Mais je voudrais quand même rappeler un peu des éléments historiques et puis essayer de voir sur quoi ça a débouché, à mon sens. D'abord, de rappeler quelque chose, c'est que nous avons en France un système de protection sociale qualifié, en comparaison internationale, de conservateur corporatiste. Et conservateur corporatiste, ça veut dire que dans les origines, c'était un système qui était organisé par les bénéficiaires. Donc c'est, en France, c'est les sociétés de secours mutuels, financées par à la fois les employeurs et les salariés, et sans que l'État ne s'en mêle beaucoup. Alors l'État en France, il s'en mêle de façon à le soutenir. Donc ça, c'est Napoléon III qui apporte un financement impérial à la condition de financer des petites mutuelles qui ne vont pas faire la révolution pour aller vite et que la gouvernance des mutuelles soit gérée par des non-bénéficiaires des mutuelles. Je crois que c'est le seul critère, mais ça veut dire que c'est des gens suffisamment riches pour ne pas avoir de mutuelle. Donc c'est plutôt des notables qui vont gérer la chose. Et en fait, il va y avoir une très forte expansion, et à condition qui ne deviennent pas des syndicats, puisque grâce à la loi Le Chapelier, on a toujours les syndicats interdits jusqu'en 1895. Donc ça, c'est quand même hyper important, hein, moi je dis toujours à mes étudiants, pour comprendre l'état du syndicalisme en France, qui n'arrive pas à se développer comme syndicalisme de service, bah, c'est notamment parce qu'on a les mutuelles qui font le job, hein, pendant le 19e siècle, alors que ce n'est pas l'histoire ni nordique ni allemande. Voilà, deuxième temps de rappeler que quand l'État s'en mêle en Allemagne, c'est-à-dire quand Bismarck rend obligatoire les assurances sociales, que nous avons aussi, la France s'y oppose. Donc il y a beaucoup de débats parlementaires. Hein, donc ça a été très bien documenté par des travaux historiques, hein, qui montrent qu'il y a une conjonction d'opposition à l'idée de rendre obligatoires les assurances sociales. Alors c'est assez hétéroclite, hein, comme conjonction, mais c'est assez rigolo à rappeler. C'est-à-dire qu'il y a plein de patrons qui aimeraient bien le faire. Bon, je rappelle que Bismarck, s'il le fait, c'est pas parce qu'il est socialiste, hein, c'est parce qu'il veut pas les socialistes, et aussi parce qu'il y a des patrons qui lui demandent de le faire, parce qu'en fait, il y a des patrons qui payent déjà des cotises et qui se disent bah, « si c'est obligatoire, on va en fait établir des conditions plus égalitaires de concurrence ». Alors en France, on le fait pas, bien qu'il y ait en gros des patrons de catholicisme social qui font du sursalaire familial, par exemple, et d'autres choses, mais d'autres ne veulent pas. Une partie des syndicats qui ne veut pas. Bon, je rappelle que la CGT était contre notamment les retraites ouvrières et paysannes au nom du fait que c'était la retraite des morts. Donc il y avait déjà division syndicale, hein, alors que la branche plus chrétienne du syndicalisme était plutôt pour. Mais en fait, ceux qui sont vraiment les porte-voix de l'opposition à l'intervention de l'État, c'est à la fois les députés libéraux. Donc c'est Guizot, hein, enrichissez-vous, débrouillez-vous, mais ne demandez pas à l'État de se substituer à la Providence. Et donc c'est l'invention de la notion d'État-Providence qui, en fait, est très critique de l'idée que l'État puisse intervenir dans ces affaires-là, et très portée par les médecins. Je pense qu'il faut rappeler, hein, que les médecins libéraux n'ont qu'une crainte, c'est de voir un financeur s'occuper de leurs affaires. Et ils vont tenir le flambeau anti-intervention de l'État de cette époque-là jusqu'à l'adoption de la Charte de la médecine libérale de 1928, qui leur garantit quelque part une immunité qu'ils ont toujours. J'y reviendrai. En fait, quand on regarde l'histoire de la protection sociale, on est les derniers. Le 4 octobre 1945, on est les derniers à généraliser, à rendre obligatoire, à faire le truc. Je peux vous donner toutes les dates par cœur comme ça, hein, mais Bismarck, donc les années 1890, les Danois 1895, les Belges 1913, les Anglais 1906, enfin bon, bref, voilà. Et donc 1945, enfin, c'est un peu la honte, en fait. On est les derniers à le faire. Et pourquoi on peut le faire? Je voudrais le rappeler aussi, on peut le faire parce que, ça c'est François-Xavier Mérien qui l'avait très bien montré, parce que les grands opposants, ce que j'ai rappelé rapidement, donc, qui étaient à la fois la mutualité et le patronat, ils sortent particulièrement affaiblis de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas leurs représentants, l'organisme représentatif, donc la mutualité, je ne sais plus comment s'appelait l'ancêtre du CNPF, hein, parce qu'ils avaient collaboré, donc ils ne sont plus capables de faire autant d'opposition. Et à l'inverse, le PC, c'est à partir de 1941 le parti des fusillés, des résistants de l'intérieur. Et Pierre Larocque représente quelque part Londres, la résistance, même si ses relations avec De Gaulle étaient compliquées, en tout cas, et même s'il était aussi grand que lui. Les deux se retrouvent pour porter la chose. Mais justement, vous l'avez rappelé, mais Enfin, je savais pas, moi, je me rappelais pas que Larocque, j'ai lu le texte du 23 mars, mais je me rappelais pas qu'il citait Proudhon, Fourier. C'est hallucinant. Enfin, bref. Mais Larocque tient à rappeler qu'il ne faut surtout pas confier à l'État le moindre pouvoir, alors que lui-même est ce qu'on appellera après un haut fonctionnaire, mais, parce que ça serait soumettre le développement de la sécurité sociale à la contrainte budgétaire. Il est très clair là-dessus. Il dit, nous, on ne fait pas comme les Anglais, ce qu'il raconte, hein, on ne veut pas faire comme les Anglais, parce que les Anglais, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que c'est du budget de l'État, du financement de l'État, mais du coup, c'est du contrôle d'État. Et le contrôle d'État, c'est d'abord vérifier que les comptes sont équilibrés et que ça ne coûte pas trop cher, parce qu'en fait, l'État, il est soumis à la pression de ceux qui payent des impôts. Et donc, il faut que le système, comme vous l'avez rappelé, hein, s'autofinance. Donc, la gestion par les intéressés, ça va de pair avec le financement par cotisation sociale. Et ça, c'est mon premier point. C'est que en France, comme dans beaucoup de pays conservateurs corporatistes, on raisonne les deux choses en même temps, la gouvernance et le mode de financement. Les deux sont censés être parfaitement liés. Alors on pourra avoir un débat, et avec Pierre-Louis on aura très probablement, sur le fait de savoir si c'est ontologiquement lié, mais politiquement c'est lié. Politiquement, celui qui paye gère, celui qui gère et celui qui paye. Ça, c'est vraiment... Alors vous ne trouvez pas forcément ça dans les pays nordiques, où les distinctions sont un peu moins claires. Mais en Allemagne, en France, c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Et je tiens à le poser là, parce que c'est le fait qu'on a d'abord mis en place un impôt, la CSG, qui va permettre qu'on étatise. S'il n'y avait pas eu l'impôt, on n'aurait pas pu étatiser. Donc c'est pour ça que j'insiste sur les deux. Mais à l'inverse, en 1945, pour ne pas être soumis, et donc je rappelle ce que j'avais dit la première séance, mais le rappeler, hein, dans l'esprit des fondateurs de Larocque, de Croizat, enfin de plein de gens, il doit absolument y avoir d'abord la demande sociale, le besoin social. Je suis malade, je suis couvert, j'ai payé mes cotisations, je liquide ma retraite. Et plus tard, pour le chômage, c'est censé être pareil. J'ai payé des cotisations, ça m'ouvre un droit. Et ensuite, on trouve les sous. Et ensuite, on trouve les sous, c'est-à-dire on ajuste le taux de cotisation au besoin. Et moi, j'ai toujours remarqué le fait que le système, il est fait pour avoir un trou. Il n'y a aucun problème, le fait qu'il y ait un trou, puisque la demande vient, et puis ensuite, on ajuste le taux de cotisation, et ça marche jusqu'aux années 70. Mais je rappelle qu'il y a du déficit tout le temps, en fait, à la sécurité sociale. Dans les années 50, si vous voulez, j'ai la liste là, mais il y a du déficit dans les années 50, dans les années 60. Et puis, bon, alors de façon continue, sauf exception, depuis 74. Donc, c'est configurationnel. Et effectivement, le pouvoir est censé être confié aux gestion ouvrière, hein, deux tiers, enfin les trois quarts même, et puis après paritaire. Alors, moi, vous me direz si je me suis trompé ou pas, mais vous avez insisté sur le rôle croissant du directeur, sauf que le directeur, y compris au niveau national, il est nommé par les conseils d'administration. Jusqu'aux années 90. Mmh. Me semble-t-il. On est d'accord là-dessus. Oui, donc, à partir de 60, c'est par l'exécutif. C'est par le conseil d'administration. Oui, mais et donc, il y a une liste de trois. Toujours est-il que c'est pas, on ne peut pas dire que la montée en puissance du directeur, que vous avez bien compris, prive les partenaires sociaux de leur pouvoir, parce que c'est eux qui nomment les directeurs, y compris le directeur national. Et ça, c'est le grand changement du plan Juppé, c'est que le directeur est nommé par le ministre. Il vient de il vient du cabinet du ministre, et ça, c'est le pouvoir politique qui va désigner le directeur. C'est aussi les changements qui vont se faire après. Mais jusque-là, même si effectivement il y a un rôle administratif croissant, il reste soumis à la... Oui. Non, mais que la Sécu, j'allais arriver, que la Sécu soit sous tutelle, on est en France quand même. Enfin, faut pas. Oui, mais vous m'anticipez ma transition. Donc on est dans une gestion paritaire confiée aux partenaires sociaux, et s'il le voulait, j'y arrive, s'il le voulait, il pourrait prendre toutes les décisions. En fait, il pourrait décider du taux de cotisation, il pourrait décider des taux de prestation, etc. C'est les prérogatives des conseils d'administration de la sécurité sociale. Donc s'il le voulait, il pourrait le faire. Donc c'est, ça, c'est, il faut bien voir dans les textes, rien n'interdit ni en 45, ni en 67, ni en 69, et jusqu'à 95, les conseils d'administration de la Sécurité sociale de décider, y compris des taux de cotisation et des taux de remboursement pour la Sécu ou de retraite, etc. Rien ne leur interdit de le faire. Ils ne le font pas. Après, alors, c'est le point que vous dites. Évidemment, on va vérifier qu'ils ne font pas n'importe quoi. Donc si jamais ils avaient pris ces décisions-là, il faudrait que ça soit validé par la tutelle, puisque donc, on est quand même en France. Donc il y a l'idée que l'État, il regarde quand même un peu ce qui se passe et il est censé valider la chose. Mais si vous voulez, il pourrait prendre la décision et après la faire valider. Bon, ce qui se passe, ce que raconte l'histoire et les hauts fonctionnaires notamment, c'est qu'ils n'ont jamais pris la décision. Donc pendant longtemps, en gros, de 45 jusqu'à 96, ces décisions lourdes en matière budgétaire, c'est-à-dire les taux de cotisation ou, pour ce qui est de l'assurance maladie, les taux de remboursement pour aller vite, ou les taux de remplacement ou les règles en matière de retraite, sont décidées par décret. Parce que donc ni au Parlement, ni par les conseils d'administration. Donc ça, c'est un peu la situation en matière d'une gouvernance bancale, c'est-à-dire que formellement, les conseils d'administration, si le voulaient, avaient le pouvoir. L'État, il n'est pas rentré là-dedans, il validerait. Et puis comme les partenaires sociaux, moi je ne sais pas comment il faut qualifier ça, n'ont pas le courage, ne veulent pas, ne souhaitent pas, enfin, etc., ne prennent pas les décisions, c'est en fait les gouvernements, les ministres qui prennent ce type de décision par décret. Alors on voit monter à partir du moment où le déficit de la sécurité sociale devient un problème. Donc je répète, ma formulation, c'est de dire que pendant longtemps, il y a eu du déficit de la sécurité sociale et ça n'était pas construit comme un problème. Alors un peu quand même, si le patronat le signale un petit peu dans les années 50 ou dans les années 60, mais c'est pas conçu comme un problème parce qu'on a une solution, en gros, c'est d'augmenter les cotisations sociales. Mais à partir du moment où on a à la fois une intégration économique plus poussée, qui se ressent dans les années 70-80, et on a un tournant de nos politiques économiques marqué par Barre et puis confirmé par le tournant de la rigueur, c'est-à-dire un tournant centré sur l'offre, où la concurrence internationale devient importante, le statut des cotisations sociales change, ça n'est plus simplement les ressources de la sécurité sociale, ça devient les charges sociales. Donc moi j'ai écrit un papier, enfin, donc on est passé du salaire différé aux charges sociales, et c'est dans les années 70-80 que se construit le discours qui nous serine encore de... tous les problèmes de la France sont liés au coût du travail et en particulier à la moitié du coût du travail, donc les cotisations sociales qui sont nommées charges à partir des années 80. Un grand succès du papa d'Yvon Gattaz qui mène sa campagne pour en 82 devenir le patron du CNPF sur le thème des charges sociales, lancera la bataille des charges et sera très entendu puisque Édouard Balladur va lancer les exos à partir de 1990. Donc ça fait partie de l'histoire de la gouvernance, hein, bien évidemment, puisque ce qui justifiait la gestion par les intéressés, les cotisations sociales, commence à changer de valeur, hein, devient quelque chose d'extrêmement négatif, de présenter comme quelque chose d'extrêmement négatif, dont il faut réduire la charge, le poids, etc., pour résoudre les problèmes économiques de la France, aussi bien le chômage que la compétitivité. Ce qui est assez intéressant, c'est que le coût du travail explique à la fois le fait qu'on ait du chômage, le travail est trop cher, donc on ne peut pas l'embaucher, et il explique aussi pourquoi on n'arrive pas à exporter, alors que ça devient essentiel d'exporter, c'est parce qu'on est trop cher. Pourquoi on est trop cher? Parce que le coût du travail, etc. Donc les cotisations sociales. Et à partir de là, il va y avoir la mobilisation très forte pour essayer de modifier, donc d'un côté, modifier le mode de financement de la sécurité sociale, de la protection sociale. Ne plus avoir de déficit. C'est deux choses qui arrivent en même temps, donc dans les années 90. Modifier le mode de financement de la sécurité sociale se justifie pour des raisons économiques, pour faire en sorte qu'il y ait moins de cotisations sociales, donc on retrouve autre chose. Et ça, c'est la motivation. Alors à l'époque, c'est C'est le Louvre, hein, enfin c'est rue de Rivoli, puis après ça s'appellera Bercigny. Et du côté social, il y a une justification qui commence à émerger, mais qui s'entendra beaucoup plus dans les années 90, qui est on finance par des cotisations sociales, par le travail, des choses qui sont de moins en moins uniquement pour les travailleurs, mais qui sont de plus en plus universelles. Donc évidemment, il y avait les allocs depuis longtemps, mais on commence à mettre en place du côté de la santé, une perspective qui est de plus en plus universelle, autour du RMI, qui donne un droit universel à la santé. Après, ça sera la CMU, après, la PUMA, C2S, etc. Et puis, on commence à mettre en place aussi d'autres politiques sociales, donc d'assistance, effectivement, qui prennent un peu d'importance à partir des années 80, et qui nécessitent d'avoir un financement propre et qui ne peut pas être de la cotisation sociale, puisque c'est des prestations... qu'on appelle de l'aide sociale, on ne veut pas dire assistance, donc on dit l'aide sociale, mais qui doivent, là aussi, être financées par l'impôt. Donc on dit aide sociale, impôt, assurance sociale, cotisation sociale. Et donc on commence à faire le distinguo entre les deux. Donc du côté des ministères sociaux, on dit c'est l'universalisation qui justifie qu'on finance par l'impôt, ou c'est l'assistance qui finance par l'impôt. Mais du côté de Bercy, enfin de Rivoli puis Bercy, il faut réduire le poids des cotisations sociales et donc mettre en place un impôt. Et donc tout ça converge vers la création d'une nouvelle forme de financement de la protection sociale qui va s'appeler, enfin qui est ni pâté ni d'alouette, puisqu'il est ni cheval ni je ne sais plus quoi, mais c'est la CSG. Donc la CSG, suivant l'endroit d'où on la regarde, on va nous faire croire que c'est une cotisation, puisque c'est un impôt affecté. Donc moi j'aime bien raconter ça, c'est-à-dire que notamment les créateurs de la CSG, je débattais vivement avec un de ceux qui était dans le cabinet de Rocard en disant « mais pas du tout, c'est affecté, ça n'a rien à voir avec un impôt ». Ok, très bien, donc c'est... mais bon, la base est géniale parce que tout le monde en paye. Mais il reste que quand vous regardez les textes qui sont envoyés à Bruxelles, on dit « on a un nouveau mode de financement de la protection sociale fondé sur l'impôt, c'est la CSG ». Et le fait qu'il y ait des exos n'est pas de la subvention cachée des entreprises, parce qu'au niveau de Bruxelles, c'était à ce propos qu'il fallait dire des choses. Toujours est-il qu'on invente un nouveau machin qui permet de dire on n'est plus seulement dans le financement de la cotisation. Alors le nouveau machin, au début, il est tout petit, mais vous savez qu'aujourd'hui, il rapporte plus que l'impôt sur le revenu, presque autant que la TVA, et il prend une part très importante dans le financement des dépenses de santé, mais aussi du FSV et des allocations familiales, etc., donc la CSG. Une fois qu'on a mis ça en place, on commence à dire « mais alors qui est-ce qui gère ?» si on finance par l'impôt, est-ce que ça doit toujours être les partenaires sociaux ? Ben non. D'autant plus que, donc là je relisais, j'ai toutes les citations que vous voulez, mais je ne vais pas les donner ici, de plus en plus, parmi les hauts fonctionnaires, commence à tourner la petite musique de vraiment ces partenaires sociaux sont complètement irresponsables. Ils ne prennent pas les décisions. Ils nous empêchent de prendre les décisions. C'est pas possible. Ils n'ont rien à faire ici. Ils n'ont rien à faire au sein de la sécurité sociale. Ça fait maintenant 10 ans, 15 ans qu'on se tape du déficit. Il faut reprendre la main. Donc c'est des expressions de citation. Donc moi, c'est des entretiens que j'ai fait à la DSS. Et auprès de Chadelin, j'en cite un quand même, c'est-à-dire les auteurs du plan Juppé, qui disent « c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, il faut reprendre la main ». Et donc c'est un enjeu de démocratie. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ce sont des hauts fonctionnaires, qui ne sont pas des élus, mais qui vont essayer de justifier l'étatisation de la gouvernance de la sécurité sociale, c'est-à-dire de donner le pouvoir aux hauts fonctionnaires. Je pourrais le documenter après, parce que c'est ça qui va se passer. C'est les hauts fonctionnaires, et en particulier les énarques de la Cour des comptes, qui vont prendre le pouvoir dans les années 90 à la tête des organismes nationaux et de la DSS et dans les cabinets du ministre. Ils vont dire « c'est au nom de la démocratie ». Donc, cette démocratie sociale a échoué, ne marche pas, etc. Donc, il dit ça. Et en fait, c'est un déni de démocratie que le Parlement ne se prononce pas sur le budget de la sécurité sociale. Donc, ça, c'est le grand argument qui est mis en avant. Ça n'est pas démocratique. Donc, c'est assez intéressant par rapport à ce qu'on a raconté la première séance. Hein, c'était c'est pour ça que Colette mettait en avant le grand projet démocratique de la démocratie sociale, etc. Bon, en tout cas, les années 90, c'est vraiment un travail de disqualification hein, de ça. Bon, il parle de fromage, hein, ils disent pas le mot corruption quand même, mais enfin, on n'est pas loin de choses comme ça, d'autant plus que FO a fait des choses bizarres avec les postes. Donc, Maurice Derlin, s'il faut citer la personne qui va se trouver... bon, ça, c'est aussi une façon, quand on veut se débarrasser, on dit qu'il a un âge. Et vous savez que les années 90, c'est le passage de relais de FO à la CFDT aussi. Donc c'est aussi quelque chose qui est assez important. Et donc on va mettre en avant le fait que la démocratie exige que le budget de la sécurité sociale, qui est plus important que le budget de l'État, soit aussi discuté au Parlement. Et c'est le point de bascule donc autour du plan GP. Du chiffre du centre de pouvoir, enfin un endroit où il n'y avait pas de pouvoir, en fait, pas de décision, à un endroit où il y aurait du pouvoir, c'est le Parlement qui va voter le PLFSS. Donc, alors ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment le PLFSS singe, mais ne réalise pas une loi de finances. Moi, je ne veux pas anticiper votre thèse, vous direz le contraire, mais puisqu'il s'agit de faire semblant du fait qu'on a un budget et qu'on contrôle à la fois les ressources et les dépenses et qu'on vote donc des objectifs, enfin qu'on vote des ressources, des recettes, donc ça c'est à peu près maîtrisé, mais qu'on vote aussi les dépenses. Et c'est là où en fait on singe, puisqu'on est incapable de maîtriser les dépenses, puisque les dépenses, c'est ceux qui les décident. Comme d'ailleurs le souhaitait Pierre Larocque, bah c'est les retraités quand ils partent à la retraite. Et on n'est pas encore capable de forcer les gens au jour de leur retraite. Donc les gens, ils décident un peu plus tôt ou un peu plus tard que ce qu'on avait imaginé. Et puis surtout les dépenses de santé. Ceux qui décident des dépenses de santé, c'est les patients qui vont voir le médecin. Et puis surtout les médecins qui prescrivent. Et ça, c'est vraiment pas contrôlé. Et je dis qu'ils singent, là, c'est la perspective comparative. Vous êtes dans un système britannique. Vous dites, il y a tant pour le NHS, puis tu te démerdes avec, quoi. Et puis un jour, il n'y a plus de PQ, puis le lendemain, il n'y a même carrément plus de médecins, et donc tu fais des listes d'attente. Ça, c'est un budget contrôlé. Même chose pour les prestations du Basic State Pension. Je veux dire, je donne ça, et puis vous vous débrouillez avec. Nous, on fait semblant. Donc on vote un ONDAM, donc je m'amuse, donc que sais-je, à mettre l'ONDAM pour voter, l'ONDAM réalisé pour montrer l'écart entre le souhait et la réalité. Mais ce n'était pas ça qui était important. Ce qui était surtout important, c'est de reprendre la main, de donner le pouvoir aux fonctionnaires, aux représentants de l'État, on allait voir ce qu'on allait voir, les gens qui allaient prendre les responsabilités. Donc c'est ça qui est intéressant, moi, dans les entretiens que j'ai faits dans les années 90, dans cette période-là, il se trouve en plus que moi j'étais à la mire, donc je grenouillais, j'assistais à des réunions, etc. Et il y avait vraiment la conviction que, enfin, on allait gérer proprement la sécurité sociale, une fois qu'on allait le donner à des gens qui ont été élevés, éduqués, formés, diplômés pour être des bons gestionnaires. C'est des énarques, quoi, qui savaient. Et en particulier, les énarques qui sont faits pour ça, donc ceux de la Cour des comptes. Et donc, on allait voir ce qu'on allait voir. Une fois qu'ils auraient le pouvoir, ça allait être bien géré. Donc vous sentez l'ironie, puisque je n'ai pas besoin de vous rappeler les déficits depuis. Donc voilà, tout ça pour ça, ça n'a pas super bien marché. En tout cas, par rapport à cette promesse-là. La promesse de les comptes allaient être correctement gérés. On allait revenir à l'équilibre, ça n'a pas eu lieu. Donc on pourrait dire, en tout cas, sur cette promesse-là, elle n'a pas eu lieu. Ce qui a eu lieu, c'est l'étatisation. Donc l'étatisation, on le rappelle. Donc d'abord, il y a ce vote du Parlement qui officialise que c'est maintenant le gouvernement qui décide à la fois des cotises, des prélèvements et de l'orientation à donner aux dépenses. Voilà, je pense que c'est le plus précis qu'on peut dire. Donc maintenant, c'est officiel. Donc pas forcément obligé de décider par un décret. Il n'empêche que c'est quand même parfois toujours décidé par un décret. Mais enfin, on peut le faire aussi dans un PLFSS de façon plus ou moins explicite. Mais surtout, ce qui va se passer, c'est la fin des années 90, c'est l'évidement, en anglais on dit exhaustion, hein, comme changement institutionnel, des institutions de la sécurité sociale, c'est-à-dire les conseils d'administration vont être vidés de leur substance. Alors avec un grand complice, qui est le CNPF, qui va devenir le MEDEF, donc M. de Sellières et M. Kessler, vont lancer la refondation sociale, dont je rappelle que le projet, il est explicitement de réduire l'intervention de l'État sur l'assistance, en fait, hein, sur la solidarité nationale, comme on appelle, d'essayer d'avoir une assurance sociale publique obligatoire d'une ampleur la moins importante possible, parce que le but, c'est la refondation sociale, c'est d'étendre l'intervention du troisième pilier, hein, de la protection sociale facultative, individuelle, et mise en œuvre par un des grands soutiens de M. de Sellières, c'est-à-dire la FFSA. Auquel vient monsieur Kessler, avec donc un objectif explicite de retrait du public pour laisser la place à l'État, parce que ça va un bout de temps qu'AXA et compagnie piaf d'impatience et disent « Mais nous, on peut pas s'étendre, parce que la Sécu, elle couvre trop bien. » Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas la place en France pour le privé, parce que la Sécu, elle couvre trop bien. Donc, retirez la Sécu. Alors, pour pouvoir le faire, Célia, il va d'abord se retirer le patronat des organismes gestionnaires de la sécurité sociale. Et donc, pour manifester sa désapprobation de la façon dont la sécurité sociale était gérée et maintenant aux mains de l'État, il y a, en accompagnement du plan de refondation sociale, la politique de la chaise vide. Donc le MEDEF décide de ne plus siéger dans les conseils d'administration et progressivement, pour qu'ils reviennent, les conseils d'administration, donc ça c'est la fin des années 90, c'est aussi pour protester contre Jospin, etc. Chirac ensuite, enfin reprend le pouvoir président, ils reviendront, mais ils ne reviendront que dans des conseils, qui ne sont plus des conseils d'administration, qui n'ont de rôle que de consultation. Donc on a vidé sa substance, aussi bien donc, du côté de l'assurance maladie que de l'assurance vieillesse, le format lui-même. Cela dit, les syndicats sont... Alors que les syndicats se sont, je n'ai pas revenu dessus, mais beaucoup combattus, en tout cas pour FO, le plan Juppé, ils ne se sont pas complètement battus non plus, très explicitement, pour faire vivre les conseils d'administration, puisque c'était parti plié, je dirais, quelque chose comme ça. Alors, moi, ce que je remarque, et là, c'est le moment polémique, c'est que... une fois qu'ils ont à peu près tous les atouts en main... D'abord, l'État n'est pas meilleur pour éviter les divisions. C'est quand même déjà une chose qu'on observe. C'est quand même ce qui va se mettre en place. Et ça va être très, très visible dans la nouvelle gouvernance de l'assurance maladie, par exemple. C'est petit à petit une lutte entre deux grands chefs. Donc le grand chef du ministre de la Santé et le grand chef qui est devenu Van Ruckinghem, Rocky, à la tête de l'UNICAM, de l'assurance maladie. Et donc moi, les échos que j'avais, c'est qu'ils n'arrivaient pas à se coordonner. C'est qu'il avait pris son autonomie à la tête de l'assurance maladie. Donc maintenant, un haut fonctionnaire désigné par le ministre. Mais les hauts fonctionnaires du cabinet de ministre se battaient contre le haut fonctionnaire à la tête de l'assurance maladie. Donc ça n'avait pas vraiment amélioré les choses. Pas plus, d'ailleurs, que ça n'était descendant du coup, puisque c'est, vous voyez, le doublon, c'est les ARS, donc là c'est le ministère, et puis les caisses primaires ou les caisses locales. Enfin, on arrive quand même à mettre deux choses, ça c'est assez bizarre. La deuxième chose, c'est qu'on ne voit pas bien les fonctionnaires être vraiment à la lutte de ce qui est vraiment la cause. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je sais qu'on ne le pense pas tous. Mais par exemple, de l'explosion des dépenses d'assurance maladie qui ne sont pas justifiables en matière de santé, c'est-à-dire le fonctionnement libéral de la médecine, qui est quand même le truc complètement incontrôlé et qui explique une grosse partie des dépenses supplémentaires en France par rapport à la moyenne OCDE, c'est-à-dire disons, les 1 ou 2 points de PIB qu'on a en plus en matière de dépenses de santé qui ne se traduisent pas en meilleure santé. mais qui se traduisent dans paiement à l'acte, en surconsommation, à la fois d'examens, de médicaments, etc. Et c'est vraiment à l'organisation libérale de la médecine. Donc ça, pas plus les hauts fonctionnaires que les partenaires sociaux n'ont été capables de lutter contre ça. Et le résultat, vous le savez bien, c'est puisqu'on n'arrive pas à contrôler l'activité des médecins, bah c'est les patients qui payent. Donc c'est les déremboursements, c'est les franchises, c'est un certain nombre de choses comme ça. C'est pas très grave puisque c'est pris en charge par les mutuelles. Ah bah c'est pas très grave, mais si quand même, parce que les pauvres, ils sont pas de mutuelles. Ah bah tiens, on va faire une mutuelle pour les pauvres. Oui, mais c'est une mutuelle de pauvres. Bah oui, ça, on le sait bien, hein, les politiques sociales pour les pauvres, c'est des pauvres politiques. Donc c'est des moins bonnes mutuelles. Il y a du panier de foin, il y a des choses comme ça. Et donc on se retrouve dans un système de santé, je caricature, où vous avez une garantie très forte en fait, mais limitée quand même, pour les plus pauvres et pour tout le monde, universelle. Donc pour moi le symbole, hein, c'est le 100%, lunettes et dents, mais c'est pas n'importe quelle lunette, c'est pas n'importe quelle dent. Donc voilà, on garantit à tout le monde ça, mais c'est pas le max, et si vous voulez le max... Bah, faut payer. Il faut avoir une bonne mutuelle. Et éventuellement une surmutuelle, etc. Et on sait, bah, les plus pauvres, ils ne peuvent pas. Les retraités, ils ne peuvent pas. Les fonctionnaires, jusqu'à 1er janvier 2026, il faut qu'ils se débrouillent. Alors après, on aura une moyenne mutuelle, on aura. Parce qu'elle est solidaire. Mais voilà. Donc... une base, alors en assurance maladie, il faut vraiment. Enfin, en maladie, c'est une base très élevée, très large, qui est très inclusive et qui fait bien, mais il reste qu'elle ne fait pas tout. Et si vous voulez du mieux, faut mettre du privé. Donc on est quand même dans un système où le public couvre 77, 78, 79% des dépenses, où vous avez un reste à charge de 7% et où vous avez entre 10 et 12% suivant les années pris par des assurances maladie privées, à but non lucratif, mais privées. Et donc, moi, je suis toujours scandalisé par les données que le ministère envoie à l'OCDE pour dire « Nous avons le reste à charge le plus bas du monde. » Ah oui, mais vous oubliez juste les mutuelles. Quoi. Bon. Ça le fait. Du côté... Donc, voilà, mon truc à trois piliers. Alors, le troisième pilier est tout petit pour l'instant, hein, franchement, si on compare à d'autres pays, mais quand même. Et les beaucoup... Enfin, Flanjuseau, je fais appel à elle, montre que beaucoup des inégalités de santé sont liées à des inégalités d'accès qui sont liées aux mutuelles. Voilà. Du côté des retraites, pareil, incapacité de lutter contre le problème fondamental qu'on a en matière de retraite, qui est un taux d'emploi des seniors très bas. Enfin, là, pour le coup, le corps a pu montrer. Si on avait un taux d'emploi des seniors plus proche de celui de l'Allemagne, on aurait quasiment résolu nos problèmes de déficit du système de retraite. Je ne sais pas, moi, mais il me semble que dans le privé, en tout cas, ce n'est pas vraiment les salariés qui décident de partir. En tout cas, il y a beaucoup de salariés qui sont qu'on fait partir, un coup de plans sociaux, d'accords, comment ça s'appelle le truc individuel, les inaptitudes, etc. Donc on n'arrive pas à résoudre ce problème-là. Donc qu'est-ce qu'on met à la place, parce qu'on n'arrive pas à résoudre le facteur fondamental? Ben, on commence à voir se dessiner. Alors on n'est qu'au tout début en France par rapport aux Anglais, bien sûr, mais aux Suédois, aux Allemands. Les Suédois et les Allemands sont beaucoup plus loin dans ce que je vais dire là que nous, mais on commence à le voir. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez partout des réformes qui réduisent les taux de remplacement et les taux de couverture du système mis en place après la Seconde Guerre mondiale de retraite. En gros, pour la vie. Alors nous, le processus, c'est on a accru la contributivité, donc il faut faire plus d'années et le taux de remplacement, il n'est pas forcément top. Et donc vous faites partir des gens, vous faites partir des années, en fait, avec ce type de réforme. Quand vous augmentez le nombre d'années de cotisation, y a de moins en moins de gens qui arrivent à le faire. Donc ça fait des gens qui se retrouvent exclus. Alors on dit, mais on n'est pas des chiens, donc on met un filet. On met un filet de sécurité. Minimum vieillesse, minimum contributif. Donc nous, on a deux très beaux filets. qui se mettent en place. Donc les Allemands ont découvert qu'il fallait qu'ils mettent un minimum vieillesse parce que leur réforme de 2001, elle a été super dure et donc ils n'avaient pas de minimum vieillesse. Et donc ouais, ils ont mis un minimum vieillesse beaucoup plus récemment que nous et ça couvre du monde. Les Suédois, c'est pareil, en fait, on s'aperçoit de ce truc-là. Et donc vous avez un système public qui couvre moins de personnes et moins bien. Vous avez un filet de sécurité qui s'étend. D'accord, une solidarité nationale qui s'étend, bah, financée par de l'impôt. Si vous voulez plus, toujours pareil, bah, vous n'avez qu'à mettre de l'argent de côté. Alors nous, ça ne prend pas, encore une fois, parce que les retraites sont pour l'instant, les retraites publiques, les deux premiers piliers sont suffisamment couvrantes pour qu'il y ait peu de gens, en fait. Mais on voit que ça commence à prendre. Là, le père, il commence à décoller un petit peu. Et si on regarde l'équivalent allemand, il a beaucoup plus décollé. Et puis, je ne développerai pas beaucoup plus, mais sur l'assurance chômage, on est quand même maintenant dans un truc où d'abord, alors il s'est passé un truc incroyable, c'est-à-dire qu'on est le seul pays avec la Grande-Bretagne où on a un financement par l'impôt de l'assurance chômage. Donc ça, c'est le truc, moi, je ne comprends pas que ça ait pu se passer, mais le remplacement des cotises assurance chômage par de la CSG pour les salariés, c'est un truc inouï. Enfin, il n'y a qu'en Angleterre où ça se passe. Et là, pour le coup, l'État, il n'a pas encore complètement pris la main. Il suffit qu'il menace, hein, il cadre les... Mais on se retrouve quand même dans un système où, si je ne m'abuse, dans les derniers chiffres que j'ai vus, moins de la moitié des chômeurs bénéficient d'une allocation chômage. Donc ça veut dire que les autres, soit ils n'ont rien, soit ils sont au RSA, quelque chose comme ça. Donc voilà, ma filet de sécurité, un peu d'assurance sociale. Et là, pour le coup, bah, vous n'avez pas de solution d'assurance privée ou de... C'est pas comme ça que ça se gère au niveau du chômage. Voilà, en gros, ce que je voulais raconter. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. On va tout de suite peut-être passer aux questions. Alors, peut-être en priorité à Christophe Capuano qui va devoir nous quitter un peu plus tôt. Voilà, n'hésitez pas. Moi, j'avais peut-être une question pour... plus précisément, peut-être sur le système de déshumanisation, enfin, du rapport entre la personne au guichet et l'assuré, etc. Est-ce que vous avez pris le point de vue, enfin, l'axe de cette incompatibilité d'être à la fois salarié d'une caisse et membre et administrateur, enfin, est-ce que vous avez pu regarder, sonder, enfin, quelles conséquences politiques ça a pu avoir, enfin, je sais pas si j'ai bien formulé ma question, mais voilà, c'est cet angle-là qui m'intéressait dans votre intervention. Alors c'est difficile à évaluer par les témoignages, parce que ça arrive quand même relativement tôt. Et c'est difficile de trouver des témoins pour des périodes les plus anciennes. Enfin, des témoins qui connaissent cette période, des administrateurs dans les années 19, qui ont été administrateurs dans les années 1960, c'est quand même très difficile à trouver. Donc, par les témoignages, ça sera par des échanges, par des échanges au sein des conseils d'administration, par des prises de position des conseils d'administration. Les salariés d'organismes avaient, dans certains organismes, alors, encore une fois, c'est vrai qu'il faut chaque fois nuancer en fonction des territoires. Il y a en fonction des fonctionnements des régions et bien sûr des branches, des salariés qui avaient l'impression de gérer vraiment leur caisse d'être complètement investi. Alors, en même temps, on était dans des logiques où se créent. Alors, ce que je disais avec la culture de caisse qui devient comme de type culture d'entreprise, où il y a des salariés qui vont avoir des lieux de sociabilité, qui vont partir ensemble en loisirs, bon, et qui se retrouvent sans cesse. Et donc, il y a un vrai sentiment d'appartenance à l'organisme. Et d'en avoir la possibilité d'avoir aussi la destinée de son organisme, c'était pour eux, ça avait une place extrêmement importante dans le rapport à l'organisme. Ce qui est aussi, alors à mon sens, c'est aussi ambigu, c'est le rapport aux syndicats, c'est-à-dire que les syndicats dans les organismes. Parce que d'un côté, on peut le voir comme un facteur d'émancipation. C'est-à-dire que le syndicat, les gens qui adhèrent, il y a des forts taux d'adhésion dans les organismes, que ce soit la CGT, Force ouvrière, il y a un très fort taux d'adhésion. Mais j'ai aussi eu des témoignages, notamment de femmes, qui me disaient qu'on les avait contraints à adhérer à un syndicat, au syndicat de majoritaire. Et au moment de l'entretien, la personne, elle était en pleurs, hein. Comme un exercice, comme un souvenir traumatisant. Parce qu'il y a eu un harcèlement pour la contrainte à adhérer. Donc, j'ai des témoignages contrastés. Bon, je pense à Hervé Auclair, qui était très investi dans la CGT, et pour lui, qui en a une vision épanouissante, on va dire. Et de notre côté, des personnels, des femmes, mais pas uniquement, qui l'ont vu comme comme une forme d'oppression, avec un poids trop important du syndicat au sein des organismes. Est-ce que c'est difficile à mesurer, parce que j'ai aussi, enfin, on le sait, c'est presque du cas par cas, c'est de la dentelle en fait. Ça se joue à l'organisme près, ça se joue au territoire près. Je ne vais pas me lancer dans une règle générale. Dans certains organismes, les choses ont pu se passer de manière correcte. Dans d'autres, il y avait des syndicats de maison qui avaient mis un peu la main sur le conseil d'administration. Donc ça pouvait aussi avoir un côté peut-être malsain dans l'ambiance de l'organisme. Voilà, ça peut se jouer, et encore une fois, ça peut se jouer de manière très nuancée en fonction de certains territoires et en fonction de certaines caisses. Moi, je voulais faire une remarque à propos de ce que vous nous avez dit sur la déshumanisation, en quelque sorte, des services dans les années 90. Ce que vous dites, c'est que ça s'est fait, si je comprends bien, majoritairement pour des raisons financières, pour des raisons d'économie, mais ça s'inscrit quand même à la même époque dans une tendance générale pour tout ce qui est le service, toutes les sociétés de service, les banques, les assurances, les impôts, etc., à une disparition progressive des contacts guichets, moi j'ai vécu ça dans la banque dans les années 80-90, où peu à peu on a supprimé les services et remplacé, transféré sur le client toute une série de choses qui étaient faites auparavant au guichet. La suppression des agents payeurs, il y a aussi sans doute des raisons de sécurité. Il est devenu un moment où c'était plus sécure de se balader avec des billets dans une petite sacoche accrochée à ça. Comme dans les banques, on a arrêté de faire la paye dans les entreprises ou d'aller collecter les fonds en espèces dans les entreprises parce que voilà, il y avait des questions de sécurité. Donc je veux dire, ça s'inscrit tout ça. Il y avait peut-être des raisons économiques spécifiques aux caisses de sécurité sociale, mais je pense que ça s'inscrit aussi dans une tendance générale de standardisation des sociétés de services et de transfert vers les usagers ou vers les clients de toute une série de choses qui auparavant étaient faites de personne à personne, au guichet, etc. Oui, mais ça s'inscrit dans une logique de new public management qu'on trouve dans les administrations, qu'on trouve dans les services, comme vous dites. Et moi, j'étais stupéfait. Alors justement, ça ressortait dans les témoignages de la diversité des types de contacts, des types de relations. Et justement, encore une fois, chaque caisse, chaque organisme avait aussi une marge de manœuvre pour penser, innover dans ce type de relation. Et ils avaient inventé quand même des types de relations qui étaient très intéressantes. Ces centres locaux qui permettaient d'avoir des relations dans les territoires. C'était comment aller aussi au-devant du prestataire. Alors, presque Moi, je ne suis pas rentré dans les questions de guichet, mais bon, c'est toute une histoire. Il y a les hôtesses de guichet qui vont me permettre de, à la fois d'humaniser, puis aussi de gérer les flux. Il y a, bon. Mais ce qui était intéressant, c'est un peu biaisé par le type de source que j'ai examiné, enfin, les types de territoires, puisque c'était des territoires qui sont quand même ruraux et avec des zones... pas enclavé mais un peu isolé, c'était chercher à aller au-devant du prestataire, au-devant de la locataire, au-devant de l'assuré. Je trouvais ça intéressant et c'est assez tardivement finalement dans le XXe siècle. Jusqu'au début des années 1990. Pas seulement en milieu rural, moi je fais ça en Ile-de-France pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse. J'étais responsable notamment de toute la communication. Et j'étais très fière d'utiliser les moyens technologiques qu'on commençait à avoir pour aller au-devant des gens, dans les gares, dans les stations de métro, dans les mairies, pour leur faire découvrir les droits auxquels ils pouvaient avoir. Et là, maintenant, ce soir, je me rends compte que j'étais complètement exploitée par l'État, qui en a profité pour... Et j'étais dans une caisse nationale, quand même. Mais voilà, c'est quand même une convergence... je ne sais pas si c'est l'État qui a utilisé les évolutions technologiques pour permettre des réductions de coûts, et on ne peut pas critiquer ça. Mais ces évolutions technologiques, effectivement, ont conduit peu à peu à mettre le bénéficiaire à l'écart sans, à mon avis, qu'on en soit forcément conscient pleinement à ce moment-là. En renvoyant, effectivement, aujourd'hui, on fait nous-mêmes beaucoup de choses. On fait nous-mêmes beaucoup de choses et en même temps moins. Enfin, je veux dire, quand moi j'ai connu cette époque-là, quand on collait les vignettes des médicaments sur la feuille oronde de la sécu, etc. Comment on allait bosser ces maladies. Comment maladie, et qu'on allait bosser, oui, mais je veux dire, on avait en même temps. C'est comme avec le prélèvement de l'impôt à la source. On avait en même temps la conscience de ce que ça coûtait, de ce qu'on avait payé, de ce que ça représentait. Alors qu'aujourd'hui, c'est complètement transparent. Le médicament que vous prescrit le médecin, il peut coûter 100 euros la boîte ou 3 euros la boîte, vous n'en avez pas conscience. Oui. Donc, bon, je veux dire, je ne porte pas de jugement de valeur, mais non, c'est... Non, non, mais vous avez raison, je pense, effectivement. On en faisait plus, du coup, on était plus conscients. Je pense qu'aujourd'hui, les problèmes... On l'a déjà vu à la séance précédente, c'est surtout pour les populations vulnérables, où là, ça ne va pas du tout. Pour des gens qui n'ont pas ce genre de problème, c'est plutôt positif. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour vos interventions. Et peut-être pour croiser aussi un peu vos perspectives, j'avais une première question, si je sais que vous devez partir. Donc, quand on repart de cette entrée, à la fois par les professions, les équipements, comment en fait on pourrait décrire la répercussion, donc notamment l'introduction des codes au niveau des caisses, donc au niveau des équipements, de l'organisation du travail. Enfin, comment vous le décririez, notamment aussi au sujet de cet impératif de gain de productivité qu'on voit quand même, je ne sais pas si vous diriez s'intensifier autour des années 90. Donc, comment vous décririez ça? Vous avez parlé du contrôle. Oui, est-ce qu'on peut étendre l'analyse à d'autres domaines? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question, mais ce que j'ai pu voir, c'est que l'exigence de productivité, l'exigence de rentabilité tout au long de la période, elle va demander un investissement de plus en plus important de la part du personnel, que ce soit des logiques, il faut atteindre un certain niveau de rentabilité et être plus efficace, en fait, plus rationnel. Et donc, un investissement de plus en plus important dans l'organisme. Et ce que j'essayais de comprendre, c'était pourquoi. C'est-à-dire pourquoi ces gens acceptaient de rester dans l'organisme et continuaient à s'investir dans quelque chose où il y avait... c'était de plus en plus compliqué de gérer les débuts de l'informatisation. C'est le Far West, en fait, hein, quand les gens doivent apprendre à servir d'un poste et ils sont à 2-3 sur un poste informatique. Ensuite, la formation, ils avaient eu plein de plans informatiques. Il y a un colloque, ça correspond à un colloque du comité d'histoire de la sécurité sociale. Mais bon, comment. Et l'hypothèse que je fais, qui semblait corroborée par les témoignages, c'est que les gens s'investissaient beaucoup parce qu'ils pensaient que dans ce type de structure, ils pouvaient. Progresser, il y a cette idée de progression interne tout au long jusqu'au début du XXIe siècle, et la transparence de l'institution en disant vous investissez, mais vous allez vous y retrouver parce que nous on va vous soutenir en progression. Donc, c'est aussi ça peut être parfois troublant dans les témoignages parce qu'on se dit quand on interroge des gens qui ont finalement bénéficié de cette progression professionnelle, y compris donc chez les cadres, et qui ont participé quelque peu à cette rationalisation, et du coup finissent en haut, au sommet de l'échelle, donc ont un regard un peu rose sur ce passé. Et le discours que j'avais, c'était « on s'est énormément investi, on a beaucoup sacrifié, mais l'institution nous l'a rendu ». En permettant d'une progression interne. En fait, on est un peu dans le modèle fordiste, c'est-à-dire où on peut progresser dans l'institution par voie interne. Et puis, je pense qu'il y avait aussi cette idée de culture de caisse, alors, qui passait soit par des formations internes, soit par ceux qui passaient par le N3S où on les reboostait autour de cette culture d'organisme, et ça comptait également beaucoup. Alors il y avait des logiques aussi, ce que je voyais apparaître, des logiques de solidarité, et ces logiques de solidarité apparaissaient par exemple lorsqu'il y avait des mécanographes qui devaient atteindre des objectifs. Ils ont dû travailler quasiment 24 heures sans s'arrêter pour atteindre ces objectifs. Et il y a des logiques qu'on pourrait comparer au modèle un peu toyotiste, de cellules où on atteint des objectifs par cellule, par cellule de travail. Et donc, par service, les gens se... cette logique de solidarité fonctionnait. Donc, voilà. Mais est-ce que les témoignages que j'ai ne donnent pas aussi un caractère? C'est pour ça que j'ai des témoignages dissonants qui en donnent un aspect moins rose de de cette logique. Parce que derrière ça, c'était aussi sans cesse se remettre en cause, être sans cesse dans une logique de préparation pour éviter, pour maîtriser les nouveaux plans informatiques, dans cette logique aussi d'informatisation et de la préparation du cap de l'an 2000 a été un des objectifs de la fin du XXe siècle, un des objectifs majeurs au sein des organismes, se préparer pour qu'il n'y ait pas de bugs l'an 2000, et donc ça a demandé un travail, un investissement, mais dans tous les organismes, d'un niveau de travail extrême. Et c'est pour ça que j'essayais de comprendre qu'est-ce qui poussait ces gens à tant s'investir. Puisque, en fait, on ne peut pas dire que ce soit l'appât du gain, il n'y avait pas des primes trop à la rentabilité, on n'est pas dans une logique d'entreprise, même si c'est des gens de droit privé, bon voilà, il y a un salaire correct, mais moi, je pense que c'est... Il y a... L'idée, d'après ce qui ressort des témoignages, c'est qu'on sert une cause qui nous dépasse. On ne rentre pas forcément pour cette cause. On y rentre parce qu'on cherche du travail. Mais on y reste pour ça. Voilà. Oui, c'était exactement la question que je voulais poser. Il y a cette adhésion aux valeurs de la sécurité sociale. Est-ce qu'il ressort des entretiens que vous avez pu avoir que c'était la nature spécifique? Parce que, je veux dire, ça aussi, c'est des choses qui ont été vécues dans nombre d'entreprises, etc. Ouais. Mais cet intérêt ou cet attachement, cet esprit de caisse qui s'est forgé, est-ce qu'il était spécifique, encore plus fort peut-être que dans d'autres secteurs, en raison de la nature particulière du service fourni, enfin, je veux dire, du but, de l'objet social, on va dire, de l'organisme en question. Oui, mais on n'y rentre pas. Les gens nous disaient qu'ils n'y rentraient pas pour ça. Pour ça, mais ils y restaient à cause de ça. Ils y restaient pour ça. Tu me permets de signer qu'il est déjà 18h40. Il va falloir que j'y aille alors. Je suis obligé de partir. Je suis désolé. Désolé. En fait, moi, je vais louper mon train. Je suis désolé. Des questions ? Est-ce que vous avez l'explication, une possible explication politique, comment on est passé de cette caisse commune de la sécurité sociale qui appartenait essentiellement aux salariés vers un passage étatique au nom de la démocratisation, alors qu'en fait c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. On est arrivé à une situation où les cotisants ont perdu le pouvoir sur ce qui finalement leur appartient, ce qui aurait dû rester entre leurs mains. Est-ce que vous avez l'explication politique ou est-ce que c'est uniquement le fait de la poussée du libéralisme, que ça passe de façon finalement comme une lettre à la poste auprès des populations? Je dis pas comme une lettre à la poste. C'est pas passé comme une lettre à la poste, il y avait du monde dans la rue en 95. En tout cas, c'est passé des changements extrêmement importants et sur le plan financier extrêmement importants, sans qu'on ait eu de grandes de grèves, même de prise de conscience. Bah, le plan Juppé. Bah 95, le plan Juppé, quand même, ça a secoué. Le plan Juppé en 95, les gens se sont surtout mobilisés. Pour les retraites, mais les syndicats. Les syndicats. Il y a eu un mois de grève à la RATP, à la SNCF, etc. Ouais. C'était surtout les régimes spéciaux. C'était pas tellement le fonctionnement des caisses de sécurité sociale. Oui, mais les syndicats. Question étatique, c'est vrai, les régimes spéciaux, c'est vrai. On va laisser les grands spécialistes. Très localisé en fait, les régimes spéciaux effectivement se sont battus. Oui, mais et pour le reste, il y a quand même une logique que vous avez décrite. Quand le financement de la sécurité sociale est assuré par l'impôt, très majoritairement, la CSG, maintenant la TVA, etc., il y a quand même une certaine logique à ce que c'est plus les seuls cotisants qui doivent avoir la maîtrise de la totalité. Enfin, moi, ça ne me choque pas, sur un plan citoyen, que l'État prenne une place plus importante que qu'il n'en avait. Et puis, il y a quelque chose aussi que vous n'avez pas évoqué, c'est que quand même, les problèmes de financement, ils sont liés aussi, à partir des années 70, à une explosion des dépenses médicales, parce que la médecine a évolué et qu'on soigne, on guérit. Les traitements médicaux coûtent de plus en plus cher, les équipements médicaux coûtent de plus en plus cher. Au début de la sécurité sociale, on finançait surtout les indemnités journalières, des choses comme ça, et puis peu à peu, le poids des coûts des médicaments, des traitements, etc., tout ça est devenu de plus en plus important. Et je veux dire, c'est ça aussi qui explique l'accroissement des déficits et pas uniquement d'autres causes. Bruno Palier. Enfin, par rapport à votre question, si vous demandez à Pierre et Michel Larocque, ils vont vous expliquer que c'est la division syndicale qui fait qu'ils n'ont pas rempli leur rôle. Ils sont plus étripés. Vous le savez, dès 47, la CGT, en fait, donc la CGT restait majoritaire, comme il l'a dit dans le caisse, mais au niveau national, s'en va. Le PC quitte le gouvernement d'Union nationale. Et puis après... Michel Larocque l'a rappelé à la première séance. Moi, j'ai vu une fois Pierre Larocque qui est venu où je présentais ma thèse à l'époque. J'étais très impressionné. Et il avait dit ça. Il a dit, il écrit dès les années 50 qu'il est très déçu par les syndicats, en fait, qui n'ont pas, pris le rôle, qui n'ont pas su communiquer, faire de la sécurité sociale leur chose auprès des citoyens, et ils pensaient que c'était le rôle des syndicats. Je rappelle, on ne l'a pas rappelé à la première séance, mais Pierre Larocque est un corporatiste, au sens il écrit dans L'Homme Nouveau, il pense que les corps intermédiaires sont absolument indispensables. Enfin, y a tout ça. Donc ça, c'est cette interprétation-là. Moi, celle que j'ai un petit peu en avant, c'est le patronat a relevé la tête, quoi. Donc il a commencé à pouvoir imposer ses thèmes dans les années 80-90. Alors, il est bien aidé par Strauss-Kahn et Kessler, hein, qui écrivent ensemble sur le coût du travail, par exemple. Et quelques autres. Donc il y a plein d'économistes qui vont leur emboîter le pas, mais on voit bien que donc il y a les syndicats divisés, il y a le patronat qui a aucun, enfin en tout cas une partie du patronat qui n'est pas lui. Enfin, ce qui est intéressant, c'est l'UIMM est prêt à continuer à jouer le jeu parce qu'ils ont une habitude de négociation sociale beaucoup plus forte dans l'industrie, mais bon, vu l'état de l'industrie en France. Par contre, Célière, il vient vraiment avec Kessler de la des assureurs, hein, de la finance, de la banque, etc. Et eux, ils ont plus envie d'en croquer, quoi. Donc ils vont agir par là. Et donc les forces libérales, pas néolibérales, mais les forces libérales vont réussir à jouer leur jeu, me semble-t-il. Après, il n'y a pas de mobilisation des Français, effectivement, pour défendre une chose. Après, vous connaissez peut-être le beau travail qu'a fait Patrick Assentoffel et William Genier sur ce qu'ils appellent l'élite du welfare, donc qui sont les hauts fonctionnaires, donc qui montrent, etc. Ils montrent bien que leur éthique à eux, c'est d'être persuadés que si on équilibre les comptes, alors on sauve la sécurité sociale. Ça, c'est leur équation, c'est-à-dire de maintenir les comptes. C'est pas du tout une visée néolibérale, c'est pas du tout une visée austéritaire. C'est pour sauver la sécu. C'est-à-dire, c'est des gens qui y croient vraiment. Enfin, là aussi, les énarques, ils rentrent peut-être pas à la sécu, mais une fois qu'ils y sont, ils y croient, ils veulent la sauver. Un peu comme ces gens-là. Oui, oui, bah, les énarques, ils sont pas contents d'être dans le social, ça veut dire qu'ils sont bas dans la botte. Donc, c'est pas terrible, hein. Dans le social, quand même, normalement... on peut faire mieux que ça, hein, si vous voulez être à l'IGF, etc. Mais bon, une fois qu'ils y sont, ils veulent sauver. Mais il reste que, bon, ils n'ont pas la force politique d'affronter les vraies causes de l'augmentation, qui, à mon sens, ne sont pas ce que vous dites, mais sont le fonctionnement. En tout cas, la cause sur laquelle il faudrait faire quelque chose, c'est-à-dire si on voulait réduire les dépenses sans entamer la qualité des soins, c'est sur les pratiques libérales et la concurrence au sein de notre système qu'il faudrait agir. Mais bon, là, il n'y a pas ni le diagnostic n'est partagé, ni la capacité d'agir là-dessus. Voilà, moi, ce serait ma réponse. CSG, c'est une cotisation et contribution, c'est tout. Non, mais c'est de l'impôt, la CSG. Le Conseil constitutionnel le dit, c'est de l'impôt, la CSG. C'est de l'impôt, la CSG. C'est de l'impôt. Mais franchement, c'est pas. Enfin, oui, moi, j'ai un chapitre entier. C'est pas du tout passé comme une lettre à la poste. Ça prend 30 ans, en gros, de faire le machin et de l'étatisation. C'est pas fait comme ça. Hein. Ça a été vraiment une entreprise de longue haleine, à la fois de disqualification de la démocratie sociale, de la mise en place petit à petit du financement par l'impôt, de dire qu'il faut faire les deux, de convaincre que c'est au Parlement de s'en mêler. Enfin, ça s'est vraiment pas fait comme ça. Même si le plan Juppé, lui, il a été fait par quelques hauts fonctionnaires le samedi matin dans le secret de Matignon, mais c'était que l'aboutissement, en fait, d'un truc. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'ai une question sur ce que vous rappeliez au départ, donc avant 95, sur l'hypothétique pouvoir, en tout cas le pouvoir réel mais pas concret des conseils d'administration à décider de ce qui doit être cotisé ou non. Comment vous expliquez, enfin, si vous deviez rentrer un peu plus en détail, comment ça se matérialisait ce droit de regard étatique sur ce qu'on rembourse, ce qu'on ne rembourse pas, et pourquoi, du coup, les conseils d'administration ne prenaient pas ce pouvoir-là, si vous semblait dire qu'il l'avait concrètement, mais pourquoi est-ce que ça n'avait pas lieu? Moi, là, je serais larocquien, c'est-à-dire que la division syndicale faisait que qu'ils n'avaient pas forcément à y gagner à le faire. En tout cas, en matière de santé, il y a une règle bien connue, c'est-à-dire que les syndicats qui signent la convention avec l'État, ils perdent les élections professionnelles suivantes. Donc il n'y a pas le jeu de la division fait qu'il n'y a pas vraiment d'incitation à prendre ses responsabilités. Et puis petit à petit, c'est vrai que, enfin, je suis critique dans mes propos, mais bon, à voir les choses, Pierre, oui, tu l'as vu mieux que moi, mais il y a des fois, c'est un peu Donc moi, j'ai assisté à un conseil d'administration de la CNAM, avant que ça devienne un conseil. Et voilà, les questions, elles ont été les questions lourdes, hein, du budget, parce que dans l'autre sens, le budget de la Sécu, il a été examiné par, je sais plus, c'était dans la deuxième moitié des années 90, examiné par le conseil d'administration quand même. Donc ça a été vite. Par contre, ce qui a pris le plus de temps du conseil d'administration, il a duré 1h30, c'est qui va à Bali pour le congrès de l'Association internationale de sécurité sociale. Et voilà, enfin bon, voilà, donc quand on voit ça. Voilà, excusez-moi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans mon propos, mais bon, on se dit, ouais. En tout cas, on comprend le propos des hauts fonctionnaires. En plus, histoire de faire semblant que moi, j'ai fait aussi l'observation qualitative, etc. Moi, ce qui m'a... Parce qu'à cette époque-là, moi, j'ai assisté à pas mal de trucs. Et donc, j'ai assisté à une réunion de l'Agence du médicament. Et ce qui était vraiment flagrant, c'était... Donc, c'est une salle comme ça, une grande salle, Jean Marmot. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'était quand même pas n'importe qui, hein. Et qui dirige ça. Et à droite, vous avez les médecins de caisse qui évaluent un nouveau médicament, enfin les choses comme ça. Puis là, vous avez le LEM, donc c'est le syndicat. Puis là, vous avez les fonctionnaires qui sont censés trancher. Donc Marmot donne la parole à Toubib sur un médicament, lui, ils disent bah, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et là, le LEM prend la parole et dit bah, c'est 5 000 à 10 000 emplois en jeu, vous faites comme vous voulez. Voilà. Bon, ça, c'était un peu le rapport de force qu'on pouvait sentir. Mais moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'il y a des gens qui travaillent pour le LEM ou pour l'industrie pharmaceutique qui sont des fonctionnaires, enfin, en tout cas, des administratifs, ou pour certaines caisses. Enfin, et puis il y avait les fonctionnaires plutôt des femmes en fait, pas forcément le top, mais l'habillement, l'exis, c'était vraiment très différent. Il y avait des bijoux et il n'y avait pas de bijoux, quoi. Il y avait la sobriété, il y avait vraiment quelque chose de très différent dans le comportement. Encore une fois, les fonctionnaires, ils y croient au fait qu'il faut sauver la sécu, il faut être sobre, il faut gérer les choses, et puis bah, les autres qui en profitent pas mal. Mais voilà, moi je peux. Après, moi j'ai pas fait suffisamment d'études pour comprendre pourquoi ils n'ont pas pris leur responsabilité. Peut-être que l'État, moi j'ai pas regardé comment ça se passait la tutelle, les laissait pas vraiment faire. Mais en tout cas, de moi ce que j'ai vu dans les années 90, c'est qu'en tout cas ils avaient vraiment lâché le morceau. Après, il faudrait regarder ce qui s'est passé, parce que c'était les... Si je ne me trompe pas, mais je me tourne vers les autorités, le challenge des ordonnances Jeannet, c'était de leur dire « on vous donne la possibilité, pour la dernière fois, vous pourrez prendre les responsabilités ». Et là, donc ça, c'est les 67 sur 9. Il y avait un discours qui justifiait cette abstention, qui était le discours des pensions indues. Oui, alors des charges indues. Ça, des charges indues, donc le discours, donc en gros... Ouais. Parce que l'État, il souhaitait que les partenaires sociaux prennent leur responsabilité. Parce que augmenter les cotisations ou baisser les prestations, ça n'a jamais servi le moindre politique. Alors les fonctionnaires, ils s'en foutent, ouais. Ils ne sont pas élus, mais quand même, les fonctionnaires dépendent ouais, de la politique. Et les politiques, eux, s'il n'est pas. Relisez le bouquin de la pomme de Jacques Chirac. Un an avant le plan Juppé, ouais. Et avant 2015, ouais. Les LFSS. Tout le bouquin, c'est de dire il faut que l'État arrête de gérer la sécurité sociale, il faut que ça revienne aux partenaires sociaux. Ce qui revient là en ce moment-là. Mais c'est un discours qu'on a entendu en permanence de la part des politiques. Les fonctionnaires comme moi, on regarde ça avec l'amusement de ceux qui ont vu des politiques dire ça 10 fois, on sait bien que ça n'a aucune portée, mais ils le disent tous. Et à la fin, ils y croyaient, parce que eux, si vous leur déchargez le soin de prendre des décisions difficiles en matière de maladie ou de retraite, je veux dire, le conclave, c'est encore là. Enfin bon, et puis le conclave, ça fait suite à la conférence de financement qu'avait lancé Macron et qui est avortée avec le Covid. Le conclave, ça a avorté. Là, on relance un truc, mais comme là, maintenant tout le monde en a marre, on dit que c'est pas une conférence de négociation, ainsi de suite. Mais l'enjeu des élus, ça a toujours été de qui s'en charge, mais ils n'ont jamais voulu. Et un des discours de justification, oui, c'était les charges indues. C'était les charges indues. Et donc, le charge indu, hein, parce que c'est vraiment c'est la participation des syndicats à la dualisation de la protection sociale. C'est ce qu'ils disent. Vous nous faites payer des prestations de solidarité nationale ou d'assistance à part des cotisations. C'est pas que des prestations de solidarité. Dans les charges indues, vous avez la liste de FO. Dans les hôpitaux, on forme les futurs médecins. Quand on finance les hôpitaux, c'est très difficile quand on quand l'assurance maladie finance les hôpitaux de distinguer ce qui est de la formation des médecins. Bon, en gros, on met tout ça dedans. Donc, la liste des charges indues, parce qu'il faut les retrouver, la liste des charges indues de FO était telle que si on avait voulu, personne ne voulait, et puis FO ne voulait surtout pas, mais si on avait voulu essayer de distinguer les charges indues des charges dues, c'est-à-dire cette idée qu'il y aurait d'un côté de l'assurance et de l'autre côté de la solidarité, et qu'il fallait distinguer, c'est ce que Bérégovoy, qui était très proche de FO, a essayé de faire, et qui s'est concrétisé avec le FSV, Fonds de solidarité vieillesse. Mais si vous regardez, par rapport à une analyse des dépenses de solidarité au sein de la vieillesse et ce que prend en charge le FSV, il y a un écart abyssal. Et puis, de toute façon, quand vous faites une analyse des charges de solidarité de la vieillesse, vous voyez qu'elles sont intimement mêlées au système assurantiel lui-même. Le fait que vous ayez un trimestre dès lors que vous avez 150 heures au SMIC, est-ce que c'est de la solidarité ou est-ce que c'est... Pierre-Louis, faut quand même, sur les charges indues, il faut quand même voir que c'est le discours de tous les syndicats jusqu'aux années 90. Et après 95, après le passage de relais, il n'y a plus que FO qui le défend, les autres ne le défendent plus. Mais il faut bien dire que c'était un discours hyper important, parce que c'est pour ça, moi j'ai démontré, que la réforme Balladur n'a fait l'objet d'aucune manifestation. C'est pour ça que quand vous dites le 95, c'était à propos des réformes des retraites. Oui, c'était organisé par les syndicats. En 93, il y a la réforme la plus dure des retraites, qui est la réforme Balladur. En fait, en termes de changement, c'est la pire. Aucune manif. Pourquoi aucune manif? Bon, alors on dit parce qu'il a fait le mois d'août, parce que c'était que le truc privé. Non, c'est parce qu'il a promis que toutes les exos seraient complètement, intégralement compensées. Et que donc il n'y aura plus de charges indues et que le FSV allait prendre mieux. Donc il a fait le FSV. Voilà, c'était le grand mythe de on va arriver à payer pour les charges indues. Et donc les syndicats disent OK, et on est prêt à avoir un peu plus de contributivité dans le système d'assurance. Donc la réforme de 93, c'est beaucoup ça, à la condition que vous preniez le financement par l'impôt du minimum vieillesse grâce aux instruments que Crocard avait mis en place, aussi bien le FSV que la CSG. Et donc ça, c'est vraiment un point. Mais depuis la CFDT, les syndicats réformistes n'ont plus le discours des charges indues. Ils n'ont plus La CFDT, point de bascule. Parce que le dernier pouvoir qui restait aux organisations syndicales et qui était une vraie difficulté pour l'État dans sa relation avec le corps médical, c'est que c'était eux qui négociaient les conventions jusqu'en 2004. D'accord ? Et à l'assurance maladie, il y avait un discours qui était « Nous, on gère la médecine de ville ». Et on la gère bien parce qu'on la gère à travers nos conventions. Et l'État ne gère mal l'hôpital. Voilà. Quand vous avez eu à la CFDT un patron qui s'appelait Chérec et qui venait, lui, de la fédération hospitalière de la CFDT, d'accord ? Il en avait vraiment marre, alors même qu'il se battait pour augmenter, quand il était à la fédération CFDT, d'augmenter le budget des hôpitaux, de voir ses collègues qui étaient au conseil d'administration de l'assurance maladie dire que les difficultés de l'assurance maladie venaient de la générosité dont on faisait preuve vis-à-vis des hôpitaux. Donc quand en 2004 on a enlevé le dernier pouvoir des syndicats qui était celui d'être l'interlocuteur des médecins et de négocier les conventions, eh bien ça s'est fait avec l'assentiment de la CFDT. Et c'est la même réforme qui fait que... Là aussi, ils étaient divisés, puisque c'était quand même le président, il était CFDT de la CNAM. On changeait aussi de... Spet, lui, il avait une nostalgie, parce que pour avoir... lui, il avait la nostalgie, mais il y a eu un vrai passage de témoin de la CFDT elle-même, qui a entériné le fait que ce n'est plus un conseil d'administration, mais un conseil. Et donc, il y a eu une, en tout cas du fait de la part de la CFDT, une adhésion à cette idée que, bon, il allait être réduit à un rôle d'observateur, un rôle de éventuellement de tribunicienne, de prise de parole, mais que il n'avait pas vocation à maintenir cette illusion qui serait éventuellement gestionnaire. Et donc maintenant, il reste des conseils d'administration à la CNAV, il reste des conseils d'administration à la CNAF, il reste des conseils d'administration à la COS. Ce n'est qu'à l'assurance maladie que le conseil d'administration est devenu un conseil marquant de manière explicite dans la désignation le fait qu'ils étaient en retrait par rapport à ça. Mais à la CNAV, où ils ne gèrent rien, je veux dire, les réformes des retraites, on n'en parle pas au conseil d'administration de la CNAV. Quand on veut mobiliser les partenaires sociaux autour de la retraite, on ne dit pas on va se tourner vers le conseil d'administration de la CNAV. On dit on va faire un conclave, on va faire une conférence de financement, on va faire une conférence travail, emploi, retraite. Mais donc, pour vous dire, et au titre d'anecdote, à un moment donné, je recevais avec un ministre, un président du conseil d'administration de la CNAV, qui partait, parce que c'était partie des convenances. Et il m'a dit, ce qui est bien au conseil d'administration de la CNAV, c'est que c'est le seul lieu de tout Paris où on ne parle pas des retraites. Dans tout Paris, vous allez dans un déjeuner, on vous parle des retraites. Au conseil d'administration de la CNAV, on n'en parle pas parce qu'on sait qu'on n'a aucun pouvoir. Et il le disait, c'était dans les années 90. Il l'avait complètement accepté. Je veux dire, la loi Boulin, on ne dit pas c'est la loi du président de la CNAV de l'époque. Toutes les grandes évolutions sur les retraites, elles ont fait l'objet de décisions du gouvernement. Et comme souvent, ça a modifié des principes, ça a donné lieu à des débats parlementaires. Donc il n'y a jamais eu de gestion par les partenaires sociaux de la sécurité sociale au sens pilotage, au sens gestion. Si, ils ont été à la manœuvre pour l'expansion, pour la mise en place. Oui, pour ça, la mise en place. Des années 50 aux années 70. Comme tu le disais toi-même, ils n'ont jamais assumé ce rôle dans le pilotage au sens prestation, cotisation, au sens gestion des organismes. Oui, jusqu'au décret Bacon de 1960, ils tiennent les organismes au sens, mais ils les tiennent au sens de je les gère. D'accord ? Et là, il y a tout un mouvement très progressif de professionnalisation où on va substituer à cette gestion, avec tout ce qu'elle pouvait avoir de parfois opaque, notamment dans les recrutements, notamment dans les désignations, notamment dans les professions, on va substituer une bureaucratie propre qui va être créée à travers une école, comme on fait toujours dans notre pays, le N3S, et ainsi de suite. Et donc on va créer un ethos lié à l'institution, mais à travers un corps bureaucratique qui va être dédié à cette institution. Et les directeurs tous les cadres de la sécurité sociale qui sortent de l'année 3S ont un attachement à l'institution, ainsi de suite. Pour ne pas croire que c'est juste des hauts fonctionnaires qui veulent justifier. Il y a les travaux de Catherine Lorrain qui montrent bien quand même que la gestion du personnel des caisses de sécurité sociale était très maîtrisée par les syndicats, on va dire ça comme ça, oui, dans les années 50-60. Parce que donc, en 60, on renforce les pouvoirs du directeur, mais les conseils d'administration conservent encore le droit de nommer les directeurs. Voilà, c'est ce D'accord. que je disais. Et moi, je peux vous dire qu'au début des années 90, on savait bien que quand on était cadre de la sécurité sociale, pour faire carrière, il fallait choisir. Il fallait avoir sa carte. D'accord ? Et que quand on était FO, on irait dans une caisse où la présidence était FO. Quand on était CGT, on allait caisse CFDT, CGT. Et quand on était CFDT, c'était un peu gênant parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Hein, donc, voilà. Bon, donc, mais tout ça, pour en finir avec tout ça, c'est pas les grands thèmes de la Sécu, mais ça a été un travail, par exemple, pour verticaliser ce réseau. On a fait un colloque récemment sur l'informatisation. On voit que dans les années 60, les caisses étaient extrêmement autonomes. Et on a un directeur de caisse de Toulouse, Bancarel, dont on a parlé toute la journée, parce que c'est le premier qui a mis la mécanographie dans sa caisse, et ainsi de suite. Bon, c'était encore des... et ceux qui en parlent en termes d'histoire parlaient des barons locaux. Alors, c'était des directeurs, souvent appuyés sur le, avec leur président, mais le président ne comprenait rien à l'installation de nouvelles mécaniques, machines mécanographiques. Mais le directeur, lui, donc il s'appuyait sur cette ressource, et ainsi de suite. Ce qui est le grand mouvement après, c'est écarter les organisations syndicales d'une capacité à agir vraiment sur les promotions, le recrutement du personnel, mettre en place les directeurs, et puis après, tout le travail, ça a été de verticaliser tout ça, c'est-à-dire de mettre ces directeurs sous l'autorité du directeur de la Caisse nationale, d'en faire un réseau un peu comme dans une banque, à la Société Générale. Ben vous avez le patron de la Société Générale, et puis vous avez... Le patron du réseau, et puis les différentes succursales. Et puis les différentes succursales, à l'époque, à un moment donné, et ça se termine dans les années 2000, et c'est la période de 90, vous aviez encore des succursales, avec des barons, avec des gens qui pouvaient refuser. Oui, c'est quand même super... On va l'interrompre un peu. C'est quand même super intéressant, parce que l'étatisation, c'est vraiment à la française, c'est-à-dire c'est vertical, centralisé, etc. Un système étatique, mais vraiment hyper étatisé nordique, il est archi-décentralisé, il y a beaucoup d'autonomie, il y a une capacité démocratique de proximité, etc. Mais c'est pas comme ça que les hauts fonctionnaires pensent la démocratie ou l'État en France. C'est pour ça que je le rappelle quand même. Donc Fragonard, par exemple, avait demandé, donc, dans le rapport 2004, qu'il y ait un responsable. Il n'y avait pas de responsable dans l'assurance maladie. Donc il voulait un chef. Mais l'État est impayable parce qu'ils en ont fait deux, quoi. Et donc ils se bourrent le mou, quoi. Ils ont fait deux de réseau. Et là, donc là, les ARS, il faudrait creuser pourquoi le cornu veut le truc, mais je suis sûr que c'est les autres qui ont dit « Ouais, non, on ne peut pas avoir deux pouvoirs comme ça là-dessus. » Mais quand on verticalise, enfin, essayez d'avoir un seul réseau, quoi, au moins, si vous voulez être efficace, puisque il y a une bataille comme ça. Mais ce qui est super intéressant, c'est que c'est l'interprétation de l'État à la française, le vertical. Moi, je connais l'État suédois, c'est hyper étatisé. C'est local. C'est d'abord le financement, il est aussi local. Il y a une capacité d'autonomie de la politique de santé avec de la redistribution après. Donc c'est une version de l'histoire hein, de l'étatisation. C'est vraiment une étatisation à la française, avec une certaine inefficacité en termes et du déficit et de la solidarité. Alors, et tout un tas de choses. En termes d'efficacité, et je ne parle que de la gestion et pas du déficit, l'histoire de l'informatisation que nous faisons montre bien que la capacité... Enfin, pardon... On a un système décentralisé dans notre pays, c'est les hôpitaux. D'accord ? Tous les hôpitaux ont leur directeur, un conseil d'administration et ont une relative autonomie. Et il n'y a pas un patron, enfin, il y a une DGOS, mais elle n'est pas le patron de tous les hôpitaux. En termes informatiques, quel est le problème aujourd'hui ? C'est que les systèmes informatiques des hôpitaux ne parlent pas entre eux, que les dossiers ne peuvent pas passer d'un hôpital à un autre, et ainsi de suite, qu'on a un énorme problème d'interopérabilité, et ainsi de suite. À la sécurité sociale, ce dont tous les gens se félicitaient, c'est que le fait d'avoir brisé ces baronnies, notamment du côté des retraites et même du côté de la COS, avait permis d'avoir un système qui était interopérable sur tout le territoire, où on pouvait... Et si vous lisez cette histoire, vous verrez combien ça a été, enfin, vous le voyez l'autre jour, comme ça a été vraiment un combat. Et ce n'est pas un combat, d'ailleurs, qu'ont mené l'État contre les institutions. Le SNV2, c'est un combat interne aux institutions. Il faut couper la parole. Un énarque qui parle, il faut couper la parole. Et je vous propose d'interrompre la discussion ici en rappelant un élément, et peut-être Léo, la prochaine séance, et on peut continuer la discussion ultérieurement. Parce que, de façon informelle autour d'un verre. On va peut-être devoir se déplacer. La prochaine séance aura lieu le 14 janvier et elle portera sur le genre de la protection sociale et de la sécurité sociale, avec Hélène Périvier et Sandrine Dupin. Donc rendez-vous le 14 janvier et merci encore. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci pour les discussions très animées et je vous propose en effet de poursuivre de façon un peu plus informelle autour d'un verre.